100% Planet Rap. C'est la nocturne, c'est parti juste après Difool, 100% rap français avec deux invités. C'est eux qui vont prendre le contrôle. C'est quoi les deals et quoi les bails? Bah écoute, les bails se portent bien. On est là, hein. C'est parti, c'est une heure. Olkari, Danny Dan, yo. Olkari, Danny Dan qui prennent le contrôle de la nocturne. Comment ça va, messieurs? On est là, totalement au max de nous-mêmes. On est dans le feu, dans le rush. Là, on fait les deals, on fait les bails, t'as vu? Bah oui, puisque ça sort lundi, nouveau projet, la saison 2. Ouais, ça sort lundi. Demain, on est en concert à Paname, nouveau casino. Aussi, ouais, avec soir, MZ en première partie. Ouais, MZ en première partie, ça va être le feu, ça va être la fête, venez. Je crois qu'il reste encore 2-3 places, j'ai que de ça. Hein. Pire encore, qui la date. Bon, donc, content de ce nouveau projet, de ces retrouvailles? Ouais, franchement, c'était super sympa. On a fait le projet vraiment, vraiment rap, vraiment hip-hop. De toute façon, on va s'écouter quelques titres extraits du projet. Mais sinon, voilà, c'est toujours en harmonie. Hein. Quand Ole et Dan, on rappe ensemble, il se passe toujours quelque chose. Donc, voilà pourquoi on a remis ça sur les rails, tu vois. C'est le deuxième volume, mais à l'origine, ça part de quoi, même sur le premier volume? Qui a l'idée de vous associer, de faire un projet en commun? C'est même pas vraiment quelqu'un qui a une idée, c'est plus naturel, c'est-à-dire que à l'époque j'étais rentré dans le label Nouvelle Donne et la première chose c'est genre il est où le carry, viens on y va, on fait un titre c'est naturel presque. après du titre, vas-y viens on fait une mixtape. Ma parole. Après la mixtape c'est devenu un album et puis, il s'agit que de s'amuser, de se faire kiffer. Et puis on va rappeler surtout que dès ce soir par exemple, avec les morceaux qu'on va passer extraits de ce projet qui sort donc lundi, on peut le précommander, je suppose. On peut cliquer tout de suite pour l'avoir. Il faut cliquer. C'est important. Donc on tweet tous les bails, tous les jeans, cliquez sur les jeans, achetez le bail. Il s'agit que de ça. Qui la date. Olkari, Danny Dan au contrôle de la nocturne, messieurs. Des glingos pour débuter. Ouais, il s'agit que de ça. Un petit de glingos, pépère. À la régulière. Vas-y. Hey yo, ouais, Danny Dan, premier du nom, c'est ainsi qu'elle m'appelle, allongé comme Michel-Ange dans la 16e chapelle, puis je me tiens droit, la foule me lance un énième rappel. J'arrive tel un King Kong, un Cerber ou le Kraken, je suis un fléau avec un crayon, la fleuve j'y viens de très haut, ce que nous créons, puis le fléau, allez respecter les cléons. Big up à la bouzière de Besançon, puis j'en goûte 10, pas 9 billes, c'est Danny Dan et Boog 10. Je balance du plomb sur eux, pète les plombs sur eux, fonce sur eux, tombe sur eux, chie dessus, ouais, je ponce sur eux, monte mon aplomb sur eux, franchement j'ignore de quoi les gens se le style est nouveau casino demain. Un torse nu sous le sac. Qui vit dans le paraître et qui se caresse, tu crois que je compte sur eux? Ni peur à mes kung fu. Je me canalise en grand écart. Je suis comme un boutchou avec un grand pétard. Cloque dans la gorge, cloque dans la trachée. Je veux m'attacher. Tous les sourires en ménage, je suis fâché. J'entends bien mon ami, c'est assez. Le truc est gros comme une baleine. Un c'est assez. Ils ont eu le buzz, mais vite fait tout ça, c'est assez. Dan et Jeep, on ne va pas de A en A, mais de C à C. Et ouais, je fais le tour de l'alphabet. Puis je le dépasse. Puis je dérape, ils en acceptent assez. Si tu ne savais pas, maintenant tu vois. Si tu ne savais pas, maintenant tu vois. Si tu ne savais pas, maintenant tu vois. Si tu ne savais pas, maintenant tu vois. Quatre neuf pour qu'on va guider. 2014 dans les 90s. Timberland, Nike Air. Les mains au gun dans les airs. On me demande juste que ça rap. Appelle ta team, allez puis j'assume, bande de faux gars. 1 contre 18, barbe blanche, il Kogan. Diff répète le plomb, diff et crack, non je suis yoga. Jeep. En finesse, la position du signe, yoga. Et jurez, courez si vous pouvez. Je vais faire aux narines couler comme si je réinventais le poulet. Vous me saoulez, votre rap moins le rap chamano, rap brioche. LDA de maison de disque, prends ça dans ta bidoche. Ça va s'aigler, ça va péta. Red ça si t'es qu'éclat. C'est comme Ken le survivant, t'es mort mais tu ne sais pas. Je fais ça, ma jura vient du Tchekar. Prends note, s'agit que de ça, bel et bien que de ça. Rien d'autre. Couronne de laurier au feu. l'œil doré mérité. Après toutes ces années, mes fans, toujours excités. Viens dans mes concerts, viens, vérifier la vérité. Je récite des sincérités en 12 balades au rythme débridé. Rien ne me fait plus sur terre que la stupidité. Qu'un imbécile convaincu, lâcheur des imbécilités. J'adore l'inventivité, observe mon flow. Je suis comme le premier poisson qui a sorti sa tête de l'eau. Nouveau souffle, nouvelle vie, nouveau monde, nouvel univers. Je ne change rien, je transforme tout. J'ai jamais fini, frère, il me trouve dingue au début, mais après tout suivre. Danny Dan, premier du nom avec son book cheat. Là-bas. Tu ne savais pas, maintenant tu vois. Ce qui ne savait pas, maintenant tu vois. Ce qui ne savait pas, maintenant tu vois. Boulogne. Ce qui ne savait pas, maintenant tu vois. Cour couronne. Connais. 2014 dans les 90s. Timberland, Mike Air. Les mains au gun dans les airs. On me demande juste que ça rap. Je lève l'angle tel un marin, je reste propre même quand j'ai scrop. Et mon nom est plus sale. Coup de boue, coup de boue. All carry, Danny Dagno. Roule, spliff, tape, crasse. All carry. Demolition, demolition, man. Nous on casse les gros dans la police. Zerafio, appelle-moi Zerafio. Mon lentoffe, undercover. La muscule est vapeur. Appelle-moi kilo de cocaïne dans le coffre d'un Merco. Hardcore. On peut pas plaire à tout le monde comme Marco. C'est Tony Montana, Ali Pacino. Ça ma parole, c'est qui Bene, c'est qui c'est Pequino. Mon rap, lancé comme du bédo dans les couilles. Il est fit, tu pêches chez moi, mec, vas-y, grouille. Appelle-moi Carlos, ou encore Pablo. Numéro des trous, écrit sur tous les tableaux. Pour les affaires, moi je fais de la compta. Si tu carottes mes thunes, ça fera ratatata. Appelle-moi criminel, tout comme Al Capone. Secoue la tête comme dans un film système. De bout du bédo, tous les gars la crie mon nom. Alibi, je vais quitter mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon. Comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom, Jimmy-o, Jimmy-o. Ne m'appelle pas si tu te rappelles pas mon nom. Et quand je t'abaisse, dis à ta belle de ne plus m'appeler par ton nom. Dis-lui, c'est Nubi sale, sale. Moi je baise et je dis bye bye. Tu vois le jazz, sinon appelle-moi Serval. Quand l'instinct de faux me dit de faire mal. Coup de gris, verbal, roule spliff, d'herbe grasse. Appelle-moi Bob Marley quand j'en parlais de mes routes au fils d'esclaves. Appelle-moi Chaka Zulu, évadé du champ de coton, assoiffé du sang du colon. Appelle-moi Swan, chef des warriors. Appelle-moi Soir, si tu veux des versets hardcore. Que tous les gars mon nom, Nubi sale. Je viens quitter mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon. Si tu parles mal, tu peux m'appeler Gif sur la joue. Tu peux crier mon nom jusqu'à prendre du sirop pour la toux. Appelle-moi Nicky, Larson Biggie. Appelle-moi Nicky, je reviens comme le phénix. Appelle-moi Chevalier Hickey. Appelle-moi Belle, je te crève et je t'enterre. Appelle-moi Cyrus, le virus quand j'ai les ailes de l'enfer. Appelle-moi Malcolm X avec un gilet pare-balles. Appelle-moi Chicken Wings à l'intérieur d'une garde. Mon rap vient d'ailleurs, tu peux l'appeler E.T. Appelle-moi la dixième balle qui va flinguer Fifi. Appelle-moi, fais faire le chat, quand je peux je vais glisser. C'est Mr. O.L. Dis pas la suite car tu sais que tous les gars la crie mon nom. All carry, je vais kicker mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom, Jimmy Yo, Jimmy Yo. Appelle-moi surprise, les couilles avant son McDo. Appelle-moi crasseux dans les coulisses de McDo. Appelle-moi coupé décalé dans une boom du FN au 6-7. El Fizio c'est Ben Laden. Appelle-moi Mahamadou dans la tribune des Boulogne Boys. Pendant un choc PSG Mali. Appelle-moi Fouet Ibrahim. Braqueur Vac plus 10 prof de maths. Et le soir je bue grave de shit. Appelle-moi Zeref yo Molotov Undercover. La muscule va avec. Le gong sonne sans salam alaikum. J'comme cogne bim bam boum. Et salam alaikum. Tous les scarnats crie mon nom. Zeref yo, j'vais kicker présenter mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC criminel, Jimmy Young. Qui tu connais comme moi, ma part John Rose Junior. Appelle-moi la crosse, sortant d'un fut, personne ne m'ignore. Appelle-moi jamais vu ou inédit. Jordan ou Zinedine, Pop Dan ou Bordard. Mon flow devrait être interdit, t'as rien compris. Si tu ne m'appelles pas le boss des boss, car la vie a fait de moi le parrain. Dan Bosco, j'écris tous les jours, je lève l'angle tel un marin. Je reste propre, même quand j'escroque, belle pop le malin. Quand j'ai des soucis, j'ai le cœur noir, je suis ADP Sidan. Même si je suis calme, lyrical, Gengis Khan. Y'a eu Jesse James, appelle-moi Jesse Dan, Sissi Man, Récital. Je me barre, fils, appelle-moi de tous les airs. Crie mon nom, Bob Danny. Je viens quitter mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC criminel, Jimmy Yo. ADP, carotte, Bob Danny. Je lève l'angle tel un marin, je reste propre, même quand j'escroque. Crie mon nom, Ruby Sale. All carry Danny Dan, baby. À la méthode, yeah. Ok, on se lave à la méthode. Le délire est sombre, c'est dans le script. Donc lève mon col haut comme le comte de la crypte. Dan, vous connaissez l'homme, je suis un peu comme une grue. Super plat, super fin, long, mais je soulève des tonnes. Jimmy, yo, yippie. J'ai les gros petits couillons enculés. Je suis violent sur le breakbeat. Je suis technique, je suis ghetto comme un Greg Fried. Je suis reggae, cheap. Les rebeux, mes pas tous mes moquards. Je suis comme une tige de lotus, je pousse malgré le caca. J'ai des feuilles miraculeuses comme la naissance de Bouddha. Vous là, mais vous êtes ouf. L'année dans les airs, je lui envoie des allez hoop. Sachez qu'on ne joue pas. Sérieusement ou pas? Fais tourner la loupe, on va caler tous les groupes. Rien que je te capte dans ma soucoupe. Alien, j'arrive sur terre, écoutant du grain de poupe. J'ai des lasers, ils en sont encore au bazooka. J'entends de la soupe sur vos ondes, j'en le gong dans la red zone. Mandingo face à des cougars. Bande de petits voyous, tous vos bails n'ont pas de sens. Ma voix fait des pas de danse sur des tas de sang. Vas-y, grève, tu n'as pas de force, tu n'as pas de chance. Je vous dead, vous mes quatre lances, vous mes quatre branches et je me canalise. Pourquoi tu veux rivaliser? Je te regarde même pas, mec, comme si t'étais un disque et j'ai un sac, une valise. Un mannequin au fun et je suis innocent. J'ignore de quoi tu veux m'accuser. Ghetto pur sang, attaché le dur sol. Laissez faire le pur son, juste pour les vrais. Qui comme à l'ancienne show, easy, je fais le truc simple. Au-delà de la fiction, juste pour les vrais. On arrive sur scène en sautillant, sautillant. Et on filme devant TK, mon TK. Le style arrive d'en bas, d'en bas. Y'a que des ouf dans notre cœur. On est ready pour le Niagara. Parce qu'on est plus là pour cadrer. Dans mon esprit, l'esprit, pour tous mes pirates de Paris. Daniel et Dupré, on va ensemble comme une ligne de base. Un roulement de batterie, un synthétise. Pour oser dans mon divan, ma siroté matise. Torse nu tatoué, t'as cru tout pas qu'était vivant. Trop de juste un bib, tu pioches dans mes vivres. C'est Skyrock et c'est la nocturne 100% rap français. Olkari, Danny Dan, le projet qui arrive lundi dans les bacs. Et donc ce morceau petit clin d'œil. Method Man à la méthode. Yeah, à la méthode, voilà, il y a 2-3 interludes comme ça dans l'album. Où on kick ça sur des phases B qui ont un peu marqué l'histoire, quoi. Et qui font aussi évidemment partie de vos références, je suppose, sinon ils y seraient pas. Ah, ça c'est clair. Complètement de nos références. En même temps, il s'agit de se faire plaisir. Tu sais, genre, prendre un instrument de Method Man et kicker dessus et le mettre sur un disque. On s'est dit pourquoi pas, viens, on fait ça. Et apparemment c'est cool. Il y a d'autres phases B aussi, c'est ça, sur l'album, sur le projet? Ouais, il y a d'autres phases B là. Il y a deux, trois interludes quand même, de la même manière. Bon, on dit pas, on garde des surprises. Yep, c'est mieux. C'est mieux. Pour ceux qui vont le récupérer, c'est lundi. À pas louper la saison 2 d'Olkari Danny Dan. Et c'est vrai qu'on regardait à l'instant, mine de rien, le premier volume. Je le voyais plus proche que ça, mais c'est un petit temps, moment. Le temps il passe, t'as vu. Ça va vite. Les choses se passent entre temps, des projets sortent, des enfants naissent, ils grandissent, et on évolue, et puis on sort en saison 2. Voilà. La vie continue, et puis vous êtes aussi en tournée avec ce projet. Puis je suppose que d'ailleurs, on retrouvera les deux projets plus certains de vos morceaux solo, hein, sur la tournée que vous faites. Ouais, oui, bien sûr, de toutes les manières. Sur scène, le show, c'est vraiment. Ça va vraiment de 95 à 2014, quoi. On est dans la DeLorean. Et ben le prochain show c'est ce soir ou demain soir, hein, pour demain ceux qui vont se réveiller, ceux qui vont se coucher tard ou tôt. Et puis exact, demain c'est soir. C'est samedi en tout cas, voilà. Nouveau casino. On met le feu là-bas, on fait la fête, on est ensemble, c'est la famille. Pire encore. Première partie avec la MZ, Olkinri, Danny Dan, on partira. OKDD. Yeah, big up MZ, ça va être vraiment le feu là. S'il reste 2-3 places, allez les prendre. Il ne s'agit que de ça. Ça, je peux. Dans un instant, on repartira sur vos solos, messieurs, avec Olkinri Jamais. On mettra un son aussi, évidemment, de Danny Dan d'ici quelques minutes. Et là, un morceau qui dit un mot sur celui-ci, c'est le Classic Shit. Oh, Classic Shit. Bah, c'est le morceau sur lequel on a fait un banquet. Si j'ose dire. Un banquet, c'est mignon. On a fait un petit banquet. On a invité les gens. On a invité Lino, DC's, Busta, Kito Prince. Qu'est-ce que je rate? Tu veux que je t'aide? Attends, Busta, on est plein. J'ai dit Busta. Busta, DC's, Lino. Et puis toi et moi. Et vous, toi et moi. Et rien qu'on bouffe les cuisses de poulet. Il s'agit que de ça. Yep. Non, peut-être un mot par contre sur ceux qui ont fait le son et qui ont bossé avec vous sur les sons de cette saison 2. Ah, gros big up à Dave Devery. Mmh. Gros big up à Charlie. Ma parole. Voilà, en fait, c'est la même équipe que sur l'album précédent, quoi. Mmh. Voilà, Dave a fait 90% de l'album. C'est lui Déglingo, c'est lui Classic Shit. C'est lui, Tonton Flingueur. Mmh. Voilà, tout ça. Là, c'est lui, tout ça. Olkinri, Danny Dan, Classic Shit. Un nouveau son, oui, d'ailleurs, va pénétrer vos tympans. Music. Calez-vous dans la musique de votre disque jockey. More music now! Brothers and sisters! Let the games begin! Je suis dans mon propre délire, dans mon propre délire. Tu connais ma signature, tu vas mon propre délire, dans mon propre délire, dans mon propre délire, dans mon propre délire, tu vas mon propre délire, dans mon propre délire, tu vas mon propre délire, tu connais ma signature. Tito Power, Tito Power, j'ai une nature différente de tout ce qu'il y a dans la masse. Pas arrogant, j'ai juste autant d'assurance que la maf. J'hésite à mentionner le nom de ma planète comme Bruno Mars. J'finis le game, frappe la bête et ressors l'anomalie. Cette année, je suis productif autant qu'un père famille du Mali. J'viens pas juste kicker, mais convertir tes poches, lobby. J'peux pas vendre mon âme, j'vendrai jamais un proche, mon mec. Rap, c'est harcèlement textuel. Biggie, le tien s'adresse qu'aux homosexuels. Ziggy, les renois passent du R&B au quezou. De la barrette aux œufs doux, du hip hop à drunk rock, Biggie. Rien de neuf, ça gasse, stay in alive, bitches. Dans le game, ça jase, les problèmes qui visent. La jeunesse oublie la base, les sentiments se déguisent. Les sens, tu aimes la base. Hey yo, me raconte pas ta vie, j'ai ma carabine. Je suis azélé dans le carré vide, ou pépère à l'asile. Avec une belle gadi dans la Jeep, nettoie-moi la ville, faut que tu te canalises. Pas mousse-toi dans le beat, je suis un manien. Ses ex me connaissent, sirote un cognac. Cabronias avec ses gros ones, je veux faire des folies. Avec Boop, Beef, Goliath, dix insomniac. Dans mon propre délire, tu connais l'homme qui grandit. Je suis dans mon propre délire, dans mon propre délire, dans mon propre délire, dans mon propre délire, dans mon propre délire, dans mon propre délire, dans mon propre délire. Je suis dans mon propre délire, tu connais Daniel. Parfois je me sens comme un pèlerin dans un désert sel. Laisse pas bluffer par ma nonchalance, car ouais je glisse mais c'est plus comme un skieur pourchassé par une avalanche. Et peu à peu la folie s'installe. Le mic et moi deux éternels amants criminels. Bonnie and Clyde, adolescent dès que je le pouvais je sautais sur tout mic, appliquant la théorie des 7 jours de tout. Le rap français c'est des grilles fait en papier. Alu, j'hallucine, des MC s'allument, sort des disques dans ma usine. J'attends pas qu'on m'élise, je me suis auto-élu. J'suis dans mon propre délire, ça c'est depuis le début. Certains m'ont dit d'ici t'as besoin de conseils. Mais dis-moi, à quoi ça sert d'éclairer le soleil? Qui dit pire? Maya à 19, j'passe le bac à 30. Des albums, j'en ai 9, en 12 ans j'fais 4 enfants. Yeah. Sponsorisé par les pompes funèbres, on se fait un pull avec un sac mortuaire. J'encule mes idées, les autres font du vol à la portière. Un gros cylindre, je crache, c'est pas comestible. Marié au beat, je rappe, c'est de la violence domestique. Ressort le break beat pour ceux qui connaissent. Appelez-moi la famille, je vous fume comme du pont de Ligonesse. Tu plonges là sur leurs pieds, l'air bien coupé. Dans le top 5 du 9-5, j'ai toujours pas écrit mon meilleur couplet. Dans mon propre délire, tu connais ma signature. Dans mon propre délire, dans mon propre délire, dans mon propre délire, tu connais ma signature. Dans mon propre délire, tu connais ma signature. Dans mon propre délire, dans mon propre délire. Sans 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. All Cario, All Cario, All Cario. Yeah, dealer. Pas All Cario. Ah. Yeah, tu peux me crier dans la street, dans les clubs ou dans n'importe quel move, ce sera jamais sans la classe. Fais-toi m'en poser, fais-toi m'en causer. Mais si c'est pas dans mon route, ce sera jamais sans mon schlasse. Tu vas kiffer à droite, kiffer à gauche, mais tu kifferas jamais réellement, jamais sans mon flow de façon. Tu peux chercher à droite, chercher à gauche, mais tu trouveras jamais réellement, jamais sans mon show, garçon. Mr. All rattaque, demande à Wax quand je reviens dans les bacs, car c'est jamais sans un vrai son. Même si les potons ont des bacs ou des chats, quand je dépose sur un track, car c'est jamais sans la pression. Et tout ce contenu, c'est jamais sans les textes. Torse nu sur scène, c'est jamais sans les becs. Si y'a gémant, c'est jamais sans les assos. Si les jaloux sont gênants, car c'est jamais sans les bastos. Jamais. Sans un pur style, sans un beat lourd. Attitude caille, cousin, nous on laisse jamais. Si tu veux tester, tu vas peiner, tu vas céder. Cousin, j'aurai jamais sans m'entraîner, je laisse jamais. Wax à la mélo, jamais sans mon route CNL. Le 91, mon ghetto, je laisse jamais. Jamais sans mon flow, jamais sans ma frappe. Jamais sans mon show, cousin, jamais sans mon rap. Tu peux me rouler le cou sans jamais me toucher. Mais si j'envoie mes crochets, c'est jamais sans te coucher. Je me lâche uniquement qu'avec les gens que je connais. Crier dans ma cova, jamais sans jambes chromées. Jamais d'armes à feu, jamais sans impératif. Diffrayer les femmes, c'est jamais sans préservatif. Impossible que je me retienne de la laisser. Ficelle sur le côté, c'est jamais sans la fessée. Histoire de Zoulou, c'est jamais sans plan pour A. 30 sur un coup, c'est jamais sans la boucave. Arriver à mes fins, jamais sans mon choix. La clé de la réussite, c'est jamais sans ma foi. Un chasseur n'existe jamais sans la proie. Le rap français n'existera jamais sans ma voix. Un combat de rue, c'est jamais sans le corps à corps. Mr. All Game, c'est jamais sans le soir corps. Jamais. Sans un pur style, sans un beat lourd. Attitude caille, cousin, nous on laisse jamais. Si tu veux tester, tu vas peiner, tu vas céder. Cousin, j'aurai jamais sans m'entraîner, je laisse jamais. Wax à la mélo, jamais sans mon route CNL. Le 91, mon ghetto, je laisse jamais. Jamais sans mon flow, jamais sans ma frappe. Jamais sans mon show, cousin, jamais sans mon rap. Yeah. OL, tu connais Jal Rez. My man, CNL, le 1, jamais. Yeah, je viens du CNL, roule jamais sans ma ville. Concevoir ma life, c'est jamais sans ma fille. Un corps humain ne respire jamais sans les poumons. Tout comme Diffé n'avancerait jamais sans Momo. Je serai jamais béton, jamais sans les keufs. Les vrais conseils de la vie, c'est jamais sans mon ref. Renoir en France, c'est le million faux que je ramasse. Les stratégies de business, c'est jamais sans Damas. On tape les pecs, c'est jamais sans les bras. Quand je m'entraîne au combat, c'est jamais sans Ibra. Quand je t'enchaîne, c'est jamais sans que j'accélère en club. Quand je me ficha, c'est jamais sans plaque vénère. Jamais. Sans un pur style, sans un beat lourd. Attitude caille, cousin, nous on laisse jamais. Si tu jamais, la mélo, jamais sans mon route CNL. Le 91, mon ghetto, je laisse jamais. Jamais sans mon flow, jamais sans ma frappe. Jamais sans mon show, cousin, jamais sans mon rap. Jamais. Sans un pur style, sans un beat lourd. Attitude caille, cousin, nous on laisse jamais. Si tu veux tester, tu vas peiner, tu vas céder. Cousin, j'aurai jamais sans m'entraîner, je laisse jamais. Wax à la mélo, jamais sans mon route CNL. Le 91, mon ghetto, je laisse jamais. Jamais sans mon flow, jamais sans ma frappe, jamais sans mon show, cousin, jamais sans mon rap. Jamais. Planète Rap, 100% rap français. C'est dingue. Jordan, je suis dans le jeu comme Sarko dans son palais à l'Elysée. Il ne peut pas rivaliser, allez les gars, réalisez. Analysez Daniel, Elysée, Stalien et Daliéné. Et j'ai des gars avec moi, fait d'aller gainer. Je suis un Mac, je radote, mais qui tu connais comme Wham? Je leur paye pas de verre, elles boivent la capote. Pas un délinquant, mais je vire la loi. Et j'en ai absolument rien à battre, comme un chien qui chie devant toi. Yeah, parfois seul, parfois j'avance en horde. Ça sent la poudre à canon, la nouvelle fragrance en vogue. Jordan, j'arrive à me gazer, j'évite cette erreur. Mais comme beaucoup devant ma glace, je me dis que je suis le meilleur. Je gifle les necks comme si je jouais au ping-pong. Meg, mais je marche avec le bagou de King Kong. Dis-moi où sont mes rough niggas, mes tough niggas. Dis-moi où sont mes rough niggas, mes tough niggas. Yo, briquets et portables en l'air. Hey yo, briquets et portables en l'air. Briquets et portables en l'air. Tout le monde, briquets et portables en l'air. Briquets et portables en l'air. Briquets et portables en l'air. Je veux voir briquets et portables en l'air. Briquets et portables en l'air. Yeah. Hey yo, ils savent que j'arrive à faire danser les foufs. Une boîte à rythme et elle whine, car Danny manie bien sa langue et son souffle. Ils savent que mon histoire est longue et remplie. J'suis monté puis tombé, mais j'ai rebondi comme un ballon Spalding. Dandy bandit cuir, beige arachide. J'grimpe comme une arachnide. Je n'ai qu'une claque, me vlase une stalagmite. Ils disent Danny les gars gâchent le bise. Un peu de maille, les v'là heureux comme un PD avec un sac de beats. Ils veulent que je revienne mettre de l'or comme Daddy Lord en 95. J'suis Eddie Murphy, j'rentre dans la ville en prince. Et je flippe pire qu'un acrobate. Et je cherche à me faire Céline Dion, même si ses fesses sont plates. Yo, briquets et portables en l'air. Yo, briquets et portables en l'air. Briquets et portables en l'air. Tout le monde, briquets et portables en l'air. Briquets et portables en l'air. Briquets et portables en l'air. Je veux voir briquets et portables en l'air. Briquets et portables en l'air. Ils veulent me voir me scratch comme si je m'amusais avec mon propre disque. Je ne cherche pas à être le plus riche, mais le plus créatif. Le hip-hop n'est pas mort, juste dans le coma. À l'hôpital, je viens lui injecter un peu de mon sang et de ma mentale. Et j'ai la dalle comme un otage après 24 heures. Mais je n'arrive pas à manger, je suis pas un arnaqueur. Un débrouillard sûrement, j'agrippe le mic comme un jeune Tarzan. Agrippe une niane dans la jungle chantant oh oui oh oui oh. J'suis libre, j'suis mon propre patron, mon propre proprio, yo. Classe-moi parmi les Gepetto, pas les Pinocchio. Demandez-moi-en, radio, regardez mes vidéos. Demandez-moi les mecs, mon truc est simple, ah. Comme Pete s'embrasse avec une raquette. Je smash sur les nègres, rentre à la maison avec un chèque. Et aucun d'entre ne peut tester, je ne bougerai pas, j'suis tout le temps là. Smooth et plat. Hey yo, briquet et portable en l'air. Je leur ai dit, briquet et portable en l'air. Et j'ai répété, briquet et portable en l'air. Et t'as entendu, briquets et portables en l'air. Briquets et portables en l'air. Briquets et portables en l'air. Je veux voir briquets et portables en l'air. Et yo, je veux voir briquets et portables en l'air. Tout le monde, briquets et portables en l'air. Yeah, c'est dingue. À la régulière, yeah. On est bon, Nims, code 9. Yeah, yo. C'est la nocturne. 100% rap français, briquets et portables en l'air à l'instant avec Danny Dan. Il y avait aussi Jamais. Gary, Danny Dan, yo. Yep. Code 9 de frais. Petit retour en arrière sur la discographie de chacun, des morceaux que vous faites aussi peut-être en live d'ailleurs sur cette tournée. Ouais, ça c'est deux titres qu'on fait sur scène. Ouais. Sur. Ouais. Ça prend bien. Je pense qu'il y a un extrait de chacun de mes projets sur scène. Ouais. Donc ça fait vraiment un voyage dans le temps, quoi. Et prochaine date, c'est samedi soir du côté du nouveau casino de Paris avant de vous retrouver un peu partout. Et puis big up aussi aux jeunes de Besançon. Oui. On était là-bas ce soir aussi. Il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes. Yep. Juste avant d'attaquer la nocturne, vous étiez à Bezac, à Besançon. Bah, une grosse dédicace là-bas. Une grosse dédicace à eux, yes. Et on rappelle que le projet, donc le retour, la saison 2 d'Olkinry et Danny Dan sera dans les bacs dès lundi. Ma parole. Saison 2 les mecs, n'hésitez pas. Pour ceux qui aiment bien l'objet, y a le CD. Sinon, on peut précommander dès maintenant. Dès ce soir, on va aller cliquer. Hein. Ouais, il ne s'agit que de ça. Cliquez. Olkinry, Danny Dan sur Skyrock. On va repartir pour une session. 41759 pour envoyer des messages. N'hésitez pas avec le hashtag aussi La Nocturne. Le hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Yo, MTV Rap. MTV, ouais. Et pourquoi c'est, pas c'est, C'est dans ces petits interludes qu'on retrouve sur l'album, celui-ci. Ouais, en plus on a fait le clip, ils peuvent aussi cliquer. Ouais. Donc on peut aller mater le clip aussi. Il y a beaucoup d'images aussi autour du projet qui vont arriver ou qui sont arrivées déjà. Ouais, il y en a d'autres qui sont en train de se tourner, d'autres qui sont au placard, prêts à l'envoi. Non, les choses se passent à fond. La Nocturne, c'est Olkinry, Danny Dan au contrôle. Yeah. Oh. Revoilà votre book Zer Jason sur Bootleg Wizard. Mon boot 16 résonne comme les Wu-Tang Legend. Les groupies se lèvent, les MC nous haïssent. Montrez vos maïs, branchez les mics. C'est le putain de désordre, aucun bling bling. Tout dans les IE, tout dans le charisme. Mon field dream, touchez les CIE. Biflez les montagnes, ma rime vibre. Programme et cassa, donnez le brassard. Gangsta, sans scar dans le rôle de Mufasa. Danny, il ne s'agit que de ça. Prenons les armes, on se pave à l'aise en tout temps. DeLorean, que des bad fâches. Je te dis depuis Ice Baby. Place une cascade dédié au book Fab Freddy. Reste réceptif, je récite. MTV, au rap et les cassettes des clips. C'était des vrais délices, tout pas que Biggie, ODB, RIP. I reminisce comme l'a dit Mary J. Mighty vibe, in task, qui m'a click like, j'suis un blacky life, yeah. Besoin d'un mighty vibe, in task, qui m'a click like, j'suis un blacky life, yeah. Au max depuis les 90s, toujours flat dans mes Nikes, Un peu de son, quelques raclis, Gary, Danny, Dan qui rap. Ouais, le mic et moi on va ensemble comme l'herbe et le tabac. Ma copine et moi depuis 3 mois, toujours et parfois. Crois-moi, l'Afrique est l'origine, l'Europe est l'histoire, l'oreille et le transistor, l'effort et la victoire. Je vous hais, je vous adore, je suis scorpion, je blesse d'abord. Puis je soigne Dan, vous calmez dans ses abords. J'avais des tresses couchées sur ma tête, ma sœur Caroline mettait de la graisse. Entre ses genoux, je rêvais belle bagnole. Bois mon passé, je déverse ma fiole. L'époque où la flèche de Cupidon transperce ma horte. Et je ne parle pas d'une italienne, nubienne ou espagnole. Je parle de la mélodie d'un rythme rap, qu'est-ce que ça sonne? Apocalypto, j'apporte l'harmonie, puis le chaos. Tu captes, Dan, j'apporte l'arme au nez, puis le chaos. Ce n'est pas que je vis dans le passé, c'est que le passé doit vivre. Je sais d'où je viens, donc où je vais, après à suivre. Je demande à mighty vibe, in task, qui m'a click like, je suis un blacky life, yeah. Besoin d'un mighty vibe, in task, qui m'a click like, je suis un blacky life, yeah. Au max depuis les 90s, toujours flat dans mes Nikes, Un peu de son, quelques raclis. Oh, Gary, Danny, Dan qui rap, yeah. Planet Rap, Nocturne, sur Skyrock. Nocturne. Qu'est-ce qui fait marcher les sages, même sous l'orage à part la rage? Zox, Melo, plus sauvage. Yeah, yo, sage, poète. Même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Qu'est-ce qui fait marcher les sages, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Qu'est-ce qui fait marcher les sages, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Qu'est-ce qui fait marcher les âges, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Qu'est-ce qui fait marcher les âges, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Qu'est-ce qui fait marcher les âges, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Qu'est-ce qui fait marcher les âges, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Je frime avec mes potes, potes, bute les blottes, clottes. Sur le beat je flotte, crotte, sur tes potes si ça me botte. J'ai tellement de bêtes que j'éclate comme une rue. Mais facile, les thèmes sont ridicules. Je spécule, bloquette, mais toujours que plein de PQ. Ne fais jamais de clichés, je suis pas une pellicule, non. Aucun steak est au type dans ma bouche. Quelques-uns peut-être sur Babylone ou bien les bains douches. Et puis c'est tout, tu sais tout, le rap est bien mon atout. Je marche pour la gloire, bientôt on me verra partout. Mon téléphone sonne, plus de 1000 offres par journée. Allô, c'est le Danny Dan, part en tournée. Faites attention, Pankina, Dan est sur le paragraphe. Tous les jours mon stylo part, plein de rimes à tous les graves. Suis-je fort ou fais-je un mauvais rêve? Déclarer la guerre à tous ceux qui font la trêve. Qu'est-ce qui fait marcher les âges, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Qu'est-ce qui fait marcher les âges, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Qu'est-ce qui fait marcher les âges, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Qu'est-ce qui fait marcher les âges, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Passe donc le mic pour la femme et l'équipe. Donne le son au beat de boule pour la mélodie. En attendant, je rends hommage la marca et jazz. Puis continue mon chemin pour laisser les silly sages. Je marche dans la nuit, mais quel est le but de ma démarche? La passion du son, donc jamais je ne lâche. Pourquoi penses-tu que je suis dans la position du vainqueur? Le travail donc la récompense est d'honneur. Je marche dans les cours pour les pilipos. Même si ma photo n'est pas encore à l'affiche dans les journaux. Pas de politique pour exprimer la pensée du parti manifeste qui n'aime pas le rap. Beat de boule dans la solo. Tu veux savoir mon nom dans la rue, on me prénomme le philo, philo. J'ai fait des sacrifices, mais jamais le m'en suis plein. Car les bébés Philippot marchent sur le chemin. Qu'est-ce qui fait marcher les sages, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Qu'est-ce qui fait marcher les sages, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Qu'est-ce qui fait marcher les sages, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Qu'est-ce qui fait marcher les sages, même sous l'orage à part la rage, qui nous rend de plus en plus sauvage. Parce que je rappe seul dans la roue, les faux culs m'appellent le tordu. Amène ton psychologue, le psychopathe en monologue vol. Fais le tour de sa cité et se prend pour filer à fond. Les fougasses m'agacent, les faux gosses m'agressent. Pas de quoi faire bosser mes rimes et basses, bouger ma graisse. J'ose le ton, le style vient de Marcel Samba. J'ai plus de technique que Raiden, demander à El Kiroba. T'es plus à la hauteur une fois que je monte sur scène. Comme un sauteur de haine, je hais ceux qui refusent la compétition. Car c'est en forgeant, qu'on devait là. Planète Rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. Oh mon dieu. Yo, quoi de neuf? All carry. G. Yeah. Yeah, yo. Une belle éthiopienne d'Addis Abeba, Madrid, Paris, la nuit, place de l'Opéra, Venise. Je ne verrai jamais Byzance, mais j'aurais vu Obama. J'écris ça sur ma terrasse, dans mon pyjama. J'aurais préféré connaître Patrice Lumumba qu'Osama. J'aimais bien J.R., mais Bobby serait mon frère. Si à moi, qui tu connais comme moi, t'es unique, me murmura Farida. Juste après son coït, j'ai répondu épouse-moi. Cœur sensible d'un, la sincérité c'est moi. La jalousie c'est eux, la confiance, mon bras droit, la misère, mon ex. Les problèmes, des potes à qui je ne parle pas. Sauf quand ils s'invitent chez moi, je m'assois, les reçois. Et puis quoi, aucun flou dans mon style. Chacun son but, son truc, moi je suis plus fou dans la salle. La mélodie sort droit de mon souffle, le mic n'est qu'un harmonica. Sûr que mon père avait la forme, joue, il me fabrique. Mais qui te connaît comme moi, je suis un homme à part. Ne cherche pas. C'est comme ça, c'est moi. Mais qui tu connais comme moi, je suis un homme à part. Demande-toi qui t'a fait te relever à chaque fois. Je voudrais connaître l'enfer avant commentaire. J'ai plus d'un terrain en trac, vous l'avalerez entière. Je suis noir et fier comme ce nègre en sel quand je perds. Là j'écris chez moi à chaque vers, un homme à terre. Et terre, mes yeux sont fermés quand je gratte mes textes. 160 kilos quand je taffe mes pecs. Tu connais qui comme moi à part peut-être Tyson, Jackson, Jordan, Michael Phelps. Kanye, un peu space fou allié dans mon propre dessin animé de hip-hop contaminé, le taf paie. Je ne suis pas dans le moule, la life est bonne, je vais pas la ken, je vais lui faire l'amour. La roue respecte les cailles de la tête, me vous voir, je suis resté hood. J'ai 32 ans, ma vie a 12 ans. Toujours au max dans ce game, malgré les conditions, je n'ai jamais cherché d'excuses, j'ai juste trouvé des solutions. Tu connais comme moi, je suis un homme à part. Je cherche pas, c'est comme ça. Je suis un homme à part. Demande-toi qui t'a fait te relever à chaque fois. Hier, je t'ai fait dans les cuisines d'un fast-food. Je répondais c'est la merde quand on me disait qu'un fast-food. Aujourd'hui je suis en répète et demain j'aurai peut-être rien. J'ai jamais été de ceux qui rêvent d'être de vraies vedettes. Dans le rap, ce qui m'exclut c'est mes principes. Non, je suis pas une caille, mais je vais pas m'excuser d'être en vie. J'ai de l'énergie, Super Saiyan 3, d'immenses cheveux. Je rentre dans la cabine comme un score game. Je vends ce jeu, avec mes frères sur un divan ça charrie. Contre moi y'a rien à faire comme un dimanche à Paris. Expert en clash, les lâches on est radicaux comme Mike. En amitié on est tragicomane. Parfois tu trompes sur un cum, des borgnes, telle une actrice porno. À la fin ça te retombe sur la gueule. Est-ce qu'un jour je tuerai un traître? J'ai demandé au ciel, un avion m'a répondu de tirer un trait. Tu connais comme moi, je suis un homme à part. Ne cherche pas, c'est comme ça. Je suis un homme à part. Demande-toi qui t'a fait te relever à chaque fois. C'est la nocturne 100% rap français. All Kerry, Danny Dan dans la place, yo. Avec Nekfeu sur ce morceau, avec Django aussi. Ma parole, pire encore. Code 9 Django. Pas l'entourage qui sort bientôt son album. C'est le 26 mai la sortie de l'album L'Entourage. Et puis Un énorme classique aussi auparavant, qu'est-ce qui fait marcher les sages? Oh mon dieu, mon dieu, grosse dédicace à Zox, Mélophilo, il s'agit que de ça. J'avais 18 ans quand je chantais ça, c'était abîmé. J'allais dire, tu te souviens de la date exacte de l'enregistrement ou pas? Je me rappelle même de ce jour-là. C'est vrai? Ouais. Je me rappelle. C'était où, quand, comment, la date, vas-y. Waouh, tu veux vraiment que j'y aille? Oui, bah bien sûr, attends. Ouais, je vais y aller pendant longtemps. Eh bah vas-y, pendant, on a tout le temps, vas-y, on a toute la nuit. Ça? Bah ouais. Il me semble que c'était dans le studio de Zox et Mélo avaient aménagé un studio chez eux. Mmh. Ils avaient aménagé il y avait une espèce de placard qu'ils avaient aménagé en studio. Donc ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que c'est très rare à l'époque, puisque maintenant ça peut paraître très simple parce que voilà, il y a tout un tas de logiciels pas possibles. Oui oui oui. Mais à l'époque, c'est pas aussi simple que ça d'avoir un home studio à la maison. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Et donc on a fait la maquette là. On a fait la maquette là. Et après, c'est après qu'on a fait l'album à plus 30 avec MC Solar, Jimmy J et tout cela dans plus 30. Mais à la base, ça vient de là. Ça vient de ce jour-là. D'ailleurs, ça doit être la différence parce que pour le coup, studio plus 30, qui est un studio super bien équipé. C'est abusé. Passer de la chambre au studio plus 30, c'est un autre truc. C'est de la cave au grenier, un truc comme ça. Mais tu te souviens tout à fait, parfaitement de ce moment-là. Sincèrement, c'est abusé. Les jours comme ça, tu t'en rappelles toute ta vie. C'est un peu comme quand. C'est un peu presque comme quand tu te dépues. Ah ouais. C'est la même chose, tu t'en souviens. Je t'en rappelle toute ta vie. Toi aussi, tu te souviens, Olcari, non pas du début, mais de ce morceau, tu te souviens de l'écoute de ce morceau, pas toi, t'es la génération qui arrive un peu juste après, quoi, juste après les sages-peaux. Ouais, je me rappelle, j'étais encore ado. Et moi, c'est vraiment l'école qui m'a fait rentrer dans le rap français. L'école, beat de boule, sages-peaux, la clica. Et puis après, c'est arrivé Time Bomb, tu vois. Mais je me rappelle de l'impact du premier album des sages-peaux à l'époque. Et je connaissais par cœur les paroles de chacun d'eux, quoi. J'étais encore au collège. Nice. Et j'avais le Walkman auto-reverse. Walkman classique auto-reverse. Le Walkman auto-reverse. Avec les cassettes qui ont été flinguées dessus. Exactement. Les cassettes, tu tournes avec le doigt, t'essayes de recoller à la colle, tout ça. Il s'agit que de ça. Mmh. Voilà, bah écoute, en tout cas, il va falloir que tu nous files ta crème, ton sirop, ce que tu prends, parce que t'as pas bougé, hein. Dany, hein. Il a le même jazz que Farid. T'as vu ça? Ouais, le gars, ouais, c'est ça en fait. C'est des vampires, bizarre. Ouais. Arrête de vampire, arrête de vampire. Je suis pas un diable. Non, je suis plutôt un ange. C'est quoi ton truc là, putain? C'est le rap en fait qui te rend aussi jeune à chaque fois ou quoi? Non, mon affaire est juste simple. Y a rien, c'est juste normal. Quoi de neuf? Je suis là. Tu sais, en route. Je sais pas comment vous faites. C'est vous, je vous regarde bizarre. C'est ça en fait, c'est nous. C'est vous qui êtes bizarre, c'est pas moi. C'est pas toi, c'est les autres. Bon, le projet Olcan Ridan Idan saison 2, ça arrive lundi. Demain, vous êtes en concert au Nouveau Casino. Yep. À Paloupé avec la MZ en première partie. On va écouter un titre. Un titre totalement inédit dans quelques minutes. Mm-hmm. C'est un morceau qui s'appelle Quand les tontons flinguent. Ah, essaye. Ouais, il s'agit que tonton flingueur, ouais, ce genre de bail, tu vois. Et gros big up, et tous les MC, tous les lyricistes, écoutez bien le couplet de Olcari. Écoutez bien son couplet. Le couplet de Dan. Écoutez bien son couplet. Tous les lyricistes, écoutez bien son couplet. Ma parole. Le mec, écoutez bien seulement. Vas-y, on roule. Et bon, on va l'écouter dans un instant. Dans un instant, on va écouter donc ce titre inédit, extrait de la saison 2. Mais juste avant, allez, on va écouter. On va faire un petit retour en arrière sur l'album, le précédent d'ailleurs, sur la saison 1 de Olcari et Dany Dan, avec Légendaire, si ça vous dit. Oh yeah. Bon, allons-y, ouais. Le DWG, mec. Yeah, yeah, Olcari, Dany Dan, yo. Dany Dan, mixtape, yeah. Got the gun, you can do. Take delivery. Yeah, ça c'est pour mes soldats. CNL. Yeah. Oh. Ce sont nos rêves qui nous poussent. Plus ou moins fort, aussi sûr qu'en 10 ans ça j'ai plus ou moins tort. Dès la naissance on est déjà tous plus ou moins morts. Et quand on part, ça dépend des gens, c'est plus ou moins quand. Zéro les humains, sens déjà la pression quand j'arrive. Les pecs qui bougent de l'air, je sors de mes narines. et ça flingue et puis ça arrive. Oui, posé sur Paris, FM, collé sur le crâne. C'est en galère, j'suis venu pour kill. Pas venu pour me la ouais, j'suis pas venu pour chill. Non, j'suis venu me faire du beef et des lignes pour Yankee. La formule est simple, des punchlines sur un groupe de Yankee. J'ai ramené le crédit, j'aime les gros chèques et les ladies. C'est pas 50, c'est pas shady, c'est d'aller les Freddy. Et je n'en suis qu'au magazine, mais rien ne stoppera mon drop. Jusqu'au chauffeur et la limousine. Ramène un stick, je ramène un bloc. Ramène une clique, je ramène un glock. Donc ramène un doc, car j'envoie des toxines. Les frères tombent accros sans s'en rendre compte. Seul un tour en snack, les vaccins. Dans mon flow, je reste easy keasy. Un phrase de grizzly, à chaque kick, tous les condés sont busy. Les délinquants, mec, sont noise. Tu connais ma terre, donc mec, all care et nickel roy. C'est en galère, je suis venu pour kill. Tu pas venu pour me la ouais, je suis pas venu pour chill. Dan et all care est légendaire. Légendaire, légendaire, légendaire. Légendaire, légendaire, légendaire. Vous êtes en galère, je suis venu pour kill. Pas venu pour la way, je suis pas venu pour kill. Dan et Walker, légendaire, légendaire, légendaire, légendaire, légendaire, légendaire, légendaire, légendaire. T'as reconnu ma voice, mon son dans tous les sons d'eau. Mr. OL, aka Jason Boom. Car ma vision fait plein de zoom, mon micro fait plein de boom. Mais la pression a des putains de clous. J'suis dans le jeu, à la banque, j'suis dans le bleu. Car depuis que j'suis à mon propre compte, j'suis plus dangereux. Et j'n'ai rien contre la critique. Que serait la vie sans challenge? Et le fait est que j'adore qu'on va casser. Mais toi, Tesla, c'est chaud les mecs. Y'a plus de taf que Raymond Domenech. Et d'abord t'éclates, va faire des omelettes. Va chercher des lyrics sur le net, si c'est la seule. Les mecs croient qu'ils éclatent et mes rats comme des je j'n'y vais jamais sous compte goût. J'reste la console comme une table de crap. Car mes mots comptent double. Passe des nuits sans sommeil. Fais gaffe quand tu mets son disque, tu risques de jouir des oreilles. C'est en galère, je suis venu pour kill. Tu pas venu pour me la ouais, je suis pas venu pour chill. Dan et Holker est légendaire. Légendaire, légendaire, légendaire, légendaire, légendaire, légendaire. C'est en galère, je suis venu pour kill. Pas venu pour me la ouais, je suis pas venu pour chill. Dan et Holker est légendaire. Légendaire, légendaire, légendaire, légendaire, légendaire, légendaire. Yo, les haies ne peuvent se tèche d'un pont. Je suis loin d'avoir fini et pour chacun d'entre eux, il me reste un plomb. Je suis top des lobes, je veux éviter la pauvreté. Cette impression que sous tes pieds le sol se dérobe. Donc je force les loges et nique si mes poumons noircissent. Je brûle mes sleeves dans toutes sortes de loges. Ça fait un pour la basse, deux pour les zombies. Ceux qui croyaient Dan Dead, maintenant toi croire aux zombies. Fais des combines ou des sciences occultes. Moi je t'embobine, je te dogine. Et puis je défonce ton cul. En 16 mesures, c'est un minimum. Tu squattes mes rimes comme un millénium. Je bois des MC comme du Ice Lemon. Pourquoi mon rap claque et défigure? Que j'ai toujours l'œil du tigre, la pêche, la gouache et le zizi dur. Donc t'es dead mais t'avais pas le choix. Frappé du poumon, Dan et Holland gardé le coin. J'ai un galère, je suis venu pour kill. Tu pas venu pour me la ouais, je suis pas venu pour chill. Dan et Holland carré légendaire. Légendaire, légendaire, légendaire, légendaire, légendaire, légendaire. Vous êtes en galère, je suis venu pour kill. Pas venu pour me la ouais, je suis pas venu pour chill. Dan et Holland carré légendaire. Légendaire, légendaire, légendaire, légendaire, légendaire, légendaire. Français, planète. Oh, Carrie Danny Daniel. Never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never concurrence, hein. Combat de boxe à huis clos, hein. Place sur un track, oh, pam pam, oui faut non. Je viens toujours en mode cric cric, pas toc toc, rigolo. Big bug, déchiré le beat, c'est mon doc. J'ai pas notre si vite, je vois mes rimes de bloc en bloc. Vends pas mes rimes comme mes Nike. A dit mon ami, donne pas des trucs que t'as sans pas fait. A dit le rap, sachez, je t'en ai fait la mienne, je veux pas le cracher. M'appelle ton frère pour du business sans me cacher. Oh, j'suis grave chaud, mais vous le saviez. Ça va être chaud de m'attacher sur un point qui est tombé mes lacets. Buffalo, box l'homme dans un seul ordre. Je pavane avec des poils au torse, à la David Hasselhoff. Je mets ma main dans ta culotte, ma voix te fait effet. Je vais t'armer mon KFC. Oui, peut-être je vous laisserai ma chinoise. Cheveux jaunes dans la cabine, ma voix vous câline. J'ai des podcasts, j'amène le rap game dans un citadine. On a couplé Jean-Rose 10, Adamantium, grosse griffe. Lizzy dur plan, je veux mourir dans des grosses couilles. Arrobas, old curry, de nouveaux followers. Japonais, bénis nos curry, je viens de Konoha. Tu connais mon place, click. Allez ton briquet, allez kiké. J'appuie du brave vent, mais je vous pique. Survivant malgré les ans, le flow n'a pas une ride. Oui fils, pas de la vérité dans les yeux. Localise les risques. Tout le monde avait vu dès le départ mon aisance. Mais ignorait que j'ai là pour rester comme une marque de naissance. Donc sachez-le, mâchez-le, avalez-le, pur crachez-le. La scène est à moi, dites aux autres MC qui ne sont pas chez eux. Pour moi c'est inutile, le bluff. Je parie ici si mes jeans ne tombent ainsi que leur skill est neuf. Je ne laisse pas, yeah. Je pisse dans mon coin quand je me développe. Les négros cherchent les blèmes comme un médecin avec un stéthoscope. Laisse-les, je ne laisserai jamais lester. Par la connerie stupide, moi je ne vais pas y rester. Ça j'ai le... Ce n'est que du freestyle, le soir, soir c'est devenu. Chiche un verre de cristal, swag, swag est revenu. Faut garder la vista, le swag, swag est revenu. J'ai le flow à twista, twista. Si t'as ni le grand, ni le temps de le prendre, mon son. Ni le temps de l'entendre, ni le temps de le prendre, ni le temps de comprendre, mon son. Je reste un super héros black, black. Qui cherche une meuf, MMA, genre zéro track à zéro blabla. Tellement de punchlines dans mes 16. J'suis fournisseur de chat du Facebook, Twitter et MSN. Accueille mon gang, Renoir Bob et Pico. Pourquoi un cheveu sur ma langue? Eh bien je demande à ta Pico. Street là je marche dans la nuit depuis. Je ne sais plus vraiment ce que je suis. Street là j'en vois certains s'autodétruire. Je suis pas le mouvement, avec ça faut faire tout doucement. Street là devant un bon repas je prie. Et tous mes ressentis je les écris. Je ferme et je ne fais aucun jugement. Je sais d'où je viens, demande à prédicivement. Tout ce que je vis, je transpire. Tout ce que je dis, je respire. Je transpire, c'est la rue qui m'inspire. Street life, ne t'étonne pas si ça tire. Cette planète rare. La nocturne. Traverser les époques, dans la DeLorean. Oh, Gary Danny Daniel. Dans les tontons flingues. Envoie des airballs quand je performe, je bouleverse. Premier au top 10, car rien que je t'omarche, troule d'herge. Balai reste coincé dans vos rectums. Juste une affaire d'homme, tant pis si les frères dorment. D'ici je vois le jazz comme Queen Bio Super Bowl. On la joue pas, négro, on gagne cette finale. J'ai tellement le barreau que mon zizi me frappe le final. Et le flingue sera pas factice. Je suis artiste, mais j'en fais pas trop. Vous exagérez tous comme des femmes flics. New level, je vais pas tirer sur mes acquis. J'ai pris 2-3 balles, j'ai la régénération rapide. Donc si tu vises, ne rate pas l'homme. Le Black Stallone, braquer tous vos flash canons. Kick le truc en gargadon. Trop d'MC, ni lâcher sa boisse. Pas le ballon, pas de talent. Car toi tu pues et pas le talent. À traverser les époques. Oui, leur jazz est pas mal. Mais c'est pas la même étoffe. Quand les tontons flinguent. Quand les tontons flinguent. Quand les tontons flinguent. Quand les tontons flinguent. Ouais, l'ami tu n'es pas de ma classe. Je suis comme un prof qui connaît tous ses élèves. Et toi, t'es pas de ma classe. Les mecs s'acharnent à te faire croire qu'ils sont gros dans le crime. Moi, plus la suie est sale, plus le flow sort clean. Infiniment patient, tapis dans l'ombre. Vent de face, en fait, j'agis comme un chasseur. Sans que je le sache, beaucoup tirent en visant les jambes. D'autres visent la tête, la plupart ne visent pas. Ils tirent en baissant la tête. Moi, je vise le cœur, authentique voleur d'âme. Sous une étoile bleue, tel un spectre, rôdeur d'âme. Te laissera avec des blessures roses et des cicatrices violettes. Traumatismes et hématomes, même sans pistolet. Mon micro suffit amplement, la vérité blesse, la passion tue. Écoute bien mon texte, me comprends-tu? Non? Bow, bow, bow, le bruit du flingue du tonton. Ma femme me dit souvent que mon haleine sent la peau à canon. À traverser les époques. Plus leur geste est pas mal. Mais c'est pas la même étoffe. Quand les tontons flinguent. Quand les tontons flinguent. Quand les tontons flinguent. Quand les tontons flinguent. La lune est pleine et le drame se sent. Si l'un d'entre vous fait le zoulou, j'ai le goût mais je vais boire son sang. Nous ne sommes pas conformes aux normes de votre rap actuel. Des boucles de Baltimore du genre à Von Barksdale. C'est de la peufra qu'on crabie, du Jada Style B. Prends la fuite dès que t'entendras devant vos corps sans vie, le mic je brandis. Boite dans la surface et je le régale d'une passe splendide. Danny Da Vinci, Danny the Dog. À 16 ans je me faisais appeler Danny Mac, tout un symbole. Plus tard je me suis autoproclamé le pape de Boulogne. En toute modestie, même quand je kick tes rap de surhomme. Je suis parano, je me méfie des prêtres. Chaque César a son Brutus, chaque Jésus a son Judas. Un traître, y'a pas plus rat. Et je ne suis ni un empereur, ni un messie. Juste même si avec les soucis qui disparaissent quand je suis. À traverser les époques. Oui, leur jazz est pas mal. Mais c'est pas la même étoffe. Quand les tontons flinguent. Quand les tontons flinguent. Quand les tontons flinguent. La Nocturne 100% rap français, quand les tontons flinguent, titre inédit, titre exclu dans La Nocturne à l'instant. Inédit, saison 2. Saison 2, extrait du projet d'Olkinry et Danny Dan qui sort lundi. Merci à vous messieurs. Yeah, merci à toi Fredou. On rappelle quelques dates importantes, c'est donc, je disais, la sortie lundi. On peut précommander maintenant, on peut aller cliquer tout de suite pour la voir. Avant tout le monde et sinon lundi dans les bacs. Ce soir, ou tout à l'heure, ou samedi, c'est du côté du nouveau casino. Ouais. Du nouveau casino que ça se passe. On est là. On est là avec la MZ, tranquillement. Première partie MZ, et puis vous sur scène. Et sinon, dans les mois à venir, donc il y a évidemment pas mal de dates un peu partout. Beaucoup de shows, beaucoup de shows. Il y a des projets en solo qui arrivent, il y a des choses en groupe qui arrivent. Oui. Parce que là on est ça, en train c'est une question à toi, je pense. Ouais. Là on. T'as pas un nouveau groupe. Attends, mais toi aussi, regarde. Parfois, tu crées des groupes comme ça. Non, c'était ciblé. Là on est entre guillemets dans les boudoirs, en train de parler, genre en train de manigancer, en train de planifier toutes sortes de trucs. Il s'agit que de ça. Mais j'entends de l'album des Sages Po. C'était ça en vrai la question. Mais Grillario. Non, regarde, attends, toi aussi tu. Soyons fous. Champagnons. Sortons. Ouais, ça arrive. Aussi en tout cas, on planifie, on manigance meurtres et attentats. Il s'agit que de ça. Pour l'instant, c'est juste dans les boudoirs, mais ça va aller bientôt plus loin. Pire encore. Merci à vous. On rappelle, rappelez aussi vos adresses internet pour vous suivre tous les deux là. Moi sur Twitter, Instagram, c'est @olkari. Je suis là totalement actif. Et olkari officiel sur Facebook. Moi d'ailleurs, j'ai vu un bouquin de toi olkari où ils reprennent tes tweets. Tu vois ce bouquin là. Ouais, je suis un peu romantique là. Donc, tu es romantique en fait, c'est un bouquin de... Sérieux? Ouais, t'avais pas vu ça toi? Non, attends, laisse-moi aller voir ce j'ai oublié le nom de ce bouquin en fait, c'est un bouquin ouais, sur les plus belles déclarations d'amour, enfin il y a un peu... T'es sérieux? De mémoire, de tête, il y a un truc comme ça, et je sais qu'il y a plusieurs intervenants, ils ont pris des tweets amoureux, lovers d'Olkari. Je suis un cœur moelleux, tu vois. Parce que moi je me rappelle que j'ai tellement barreau que mon zizi me frappe le visage. Je me rappelle tout ça moi. Et ça c'est pour la version X du bouquin qui arrive. Ça aussi ça peut être romantique dans un contexte différent. Mais dans un contexte particulier. Ouais, dans un contexte particulier ça peut être romantique. Ce sera le bouquin mais qui sortira plus tard. Yeah. Bon merci à vous en tout cas. Ça roule. Simer, Simer de Frem. Olkari, Dani Dan, saison 2, c'est lundi dans les bacs. Merci Fredou. Et le son de la nocturne qui continue maintenant. Ciao. Planète rap. 100% rap français. Back to the future. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Eh, tu me donnes du blé, toi? Et toi, tu me donnes du blé pour enfoiré? File-moi mon blé, fils de pute. 90 euros la boîte. Privacy. Bon pour la psychiatrie, trop temps passé dans la piraterie. Je suis déclassé, y'a plus rien qui m'attriste. Y'a que la hagra qui est fédératrice. À part quelques vrais que je respecte. Je laisse tous ces fils de pute dans leur matrice. Le temps est passé depuis l'époque où je faisais des faux chèques en bas pour acheter mes habits. Aujourd'hui ces salopes font la queue, sont prêtes à faire des combats pour venir sucer ma bite. Quelle ironie, y'a 10 piges. Cette pute faisait la belle devant nous. Maintenant elle suce tellement mon équipe qu'elle en a des croûtes sur les genoux. À part de grosses sommes qu'on somme que mes culs joints dans leur cendrier. C'est chelou, t'es pas une cochonne. Mes taches n'est qu'un pull sanglier. Quelle ironie, des barres de rire. Ils sont à fond d'or, vraiment mignons. Quelques clics, ils sont contents. On dirait qu'ils ont pété le million. Mais ils se rendent pas contents. Rien que des attractions de la honte en scred. J'aimerais bien leur donner le pouvoir, juste pour voir ce qu'ils en font après. On est devenu ce qu'on voulait pas être. À force de miser sur le poids être. Les vrais disparaissent, on n'a pas la maladresse de s'allonger comme énorme à malgré devant file. What up? Tu crois qu'on joue, c'est chaud ma gueule. Mais acculé, c'est chaud ma gueule. 2014 on prend les ailes, c'est chaud ma gueule. Rivaliser un sort, chaud ma gueule. Viva Street, Viva Street, Viva Street, Viva Street. 90 heures la boîte, Viva Street. Le rap game c'est de la baisse, Viva Street. 90 euros la peau. J'aurais passé des semaines dans le désert à te parler de leur sim sans réserve. Quand j'arrive, ils me regardent chelou. On dirait que je baise leur sœur pendant le désert. Y'a ta sale pute qui arrête pas de m'appeler. Les rappeurs à l'état spéc veulent m'attraper. Même si tu m'aimes pas, tu cliques quand même. J'ai plus d'ennemis que fif de bouscapé. Faut voir ce que la réussite te ramène. Que des ennemis sur la vie de ma mère. T'auras beau chanter la rue, mais la rue c'est pas ta mère. T'auras ce que t'auras, ça dépend ce que t'amènes. Ta bouche me parle, mais ton cœur me ment. J'arrive plus à faire de discernement. Y'a que les enfants qui sont innocents. Quand j'y pense, mon petit frère me ment. J'garde mes distances pour rester constant. Ils m'envient tous mon acharnement. On les respecte plus depuis longtemps. Comme les clowns du gouvernement. Ma folie, j'suis pas responsable. L'ancien mari de ma daronne a coupé une jambe. J'avais même pas 12 piges, j'revois le sang couler sur son sable. Donc faut pas s'étonner de la folie des gens. Nous on s'en bat les couilles de ta légende. J'te le répète, y'a qu'un PD qui cherchera à savoir ce que t'as entre les gens. L'avenir est dans la broyeuse. La voix est trop racailleuse. Si j'te raconte toute ma vie, la tienne va paraître beaucoup plus joyeuse. Oula. Tu crois qu'on joue? C'est chaud ma gueule. Miraculé, c'est chaud ma gueule. 2014 on prend les ailes, c'est chaud ma gueule. Rivaliser un sort, chaud ma gueule. Viva Street, Viva Street, Viva Street, Viva Street. 90 heures la boîte, Viva Street. Le rap game c'est de la baisse, Viva Street. 90 euros la boîte, Viva Street. Allez rappeurs, vous êtes tous nuls. Le meilleur c'est Niro, gardez tous la pêche. À l'instant, Niro et Viva Street sur Skyrock. C'est la nocturne 100% rap français. Il y a quelques minutes, il y avait Olkari, Dani Dan et autre petit clin d'œil, j'ai envie de dire, dans la nocturne, un petit passage. En tout cas, une présentation. Ça fait plaisir de vous recevoir. C'est merci, Los merci. Grumos. Ouais, ouais, merci, ouais, merci. Los Grumos. Je l'ai fait avec l'accent, les gars. Hein, mais Non, mais ça va, t'es doué. Sinon, c'est Los Grumos. Voilà, Los Grumos, tout simplement. Donc, frangin, a priori, je sais même pas lequel des deux est le frangin. Ouais, bon, on est arrivé le même jour. On arrive en équipe direct. En équipe direct. Voilà. Et moi, c'est Mokobé qui m'a parlé de vous, qui m'a dit oh, putain, les mecs, franchement, ils défoncent. J'ai écouté et c'est vrai qu'il a pas tout à fait tort. Ouais, merci. Hein. Déjà, on en profite pour lui passer un petit clin d'œil. Hein. Grosse dédicace. Le morceau C'est Doudé, ça arrive très prochainement. Mmh. Donc voilà, grâce à lui, on a l'opportunité de faire découvrir notre univers aux auditeurs de Skyrock. Mmh. Et par l'intermédiaire de Fred, d'ailleurs, tout remercier pour l'invite. Et voilà, qu'on va faire découvrir ce qu'on fait aux gens. On a un EP qui est sorti. Hein. Et un petit CV express par contre sur vous. Ouais, un petit CV express. Nous, on a commencé le son depuis à peu près 2006. On a eu une première mixtape avec des artistes du 95, Eranis et avec le cousin Imparfait et Modeste. Donc c'est un projet qui s'appelait Le Parlement. Parlement. Ensuite, on a sorti une mixtape qui s'appelle On va le faire. C'était à peu près 2008, je crois, qui s'appelait On va le faire. Donc, elle a bien tourné aussi dans les quartiers et un peu partout aussi. Ensuite, on a sorti une autre mixtape en téléchargement qui s'appelait Échantillon. Donc là, on arrive avec cette EP en 2014 qui s'appelle Charlie. Ok, bah on va découvrir en tout cas un extrait. Après, on vous dira encore, on dira encore un mot avec vous de Los Grumos. Très très très lourd. Voilà. Le morceau il s'appelle Bang Bang. C'est Argenteuil sur Skyrock. Los Grumos. Le morceau il s'appelle Bang Bang et on peut le trouver. C'est dispo maintenant. Hein. C'est dispo. Ouais, vous allez sur notre page fan Los Grumos. Vous pouvez télécharger le projet. C'est gratuit. Faites-vous plaisir. Voilà quoi, que du lourd, que du partout, lourd. Instagram, Facebook, Twitter. Une grosse dédicace à notre beatmaker aussi, Gabistol. Il a fait des prods de fou malade. De toute façon, vous allez voir. Le morceau qui arrive, c'est lui qui a la prod. Bah maintenant, on va voir aussi ce que pensent les auditeurs de la Nocturne. Balancez le message, validé ou pas, Los Grumos. Allez-y, 41759 avec le hashtag Skyrock. Il y a d'ailleurs, on peut vous suivre sur Twitter, sur les. Ouais, sur Twitter, on peut nous suivre, Los Grumos Team. Et ensuite, Instagram, Los Grumos, Facebook, Los Grumos. Voilà, on est un peu partout. Voilà, on est sur les réseaux. Il suffit juste de taper Los Grumos et voilà, on est là. Et ben, on va voir ça maintenant. Tapez et dites-nous ce que vous pensez du morceau. Voilà. C'est les jumeaux du 9-5, Chalé. 9-5 sans Argenteuil. La dalle azul, Chalé. Los. Ces fils de pute de pédophile. J'aime les femmes en chair, j'te regarde pas si t'es toute fine. Ah, viens pas me chercher, sinon j'sors le fusil. Et j'vais rigoler comme si on faisait des Ghibli. Ma paire de lunettes, c'est le RSA à ton gars. Si tu veux voir mes yeux, fille, enlève vite et peu ça. J'vais pas à Miami, mais au Libertalia. Y'a des bêtes de go avec de gros talons. Si on est grand et fort, c'est qu'elle s'est cassé le dos. Ça résonne dans nos têtes. Bang bang. Ça résonne dans nos têtes. Bang bang. Ça résonne dans nos têtes. Bang bang. Ça résonne dans nos têtes. Bang bang. Influencé par Chétan, il veut nous voir faire du mal. Nous dit de dégainer dans le tas. Tirer, faut qu'il sorte de nos têtes. On veut pas prendre perpète. Faut qu'il dégage de nos têtes. Son d'Africa 233 chalé. Anakumasi Akra dans mes veines chalé. 9500 Argenteuil, Valade à la Zup chalé. Collège Claude Monet, petit, on a tout niqué. Tu m'as menacé par message, rien à foutre, t'as compris. Les vrais bonhommes se parlent en face et dans les yeux Harry. Trop de mères seules, les papas ont pris la fuite. Un peu comme les chéri face au fils. Ne fais pas le skier là. T'assumes pas. Première garde à vue, t'as fait tomber à coup le bas. Coup de pression du flic, t'es devenu un indice. Voilà donc le morceau de Los Grumos. Et d'après tous les messages qui arrivent, c'est ultra validé par les auditeurs de la Nocturne. Je vois des messages où ils défoncent le morceau. Est-ce qu'on le trouve? Donc il faut suivre, il faut voilà, aller cliquer Los Grumos. Et sinon donc c'est dispo hein, c'est ça hein. Ouais, le morceau il est dispo partout. Vous allez sur notre page fan Los Grumos, il y a les liens qu'il faut pour télécharger le EP, ou même aller sur SoundCloud pour écouter le morceau en live, en direct, le télécharger. Tout ça c'est gratuit, rien que pour vous, pour le public. Los Grumos, 9500 Argenteuil. Ghana Boys, challé. Ouais, dédicace à toute la team, à tous les frérots. Voilà, Capos, Guyane, Tanf, Moponks, tout le monde quoi. Toute la team Grumos quoi. Voilà, toute la team d'Argenteuil également. Je place une dédicace pour la Zipstar aussi. Voilà, on dédicace tout le monde. Messieurs, merci d'être rapidement passés. On aura l'occasion de vous suivre en tout cas. On repassera les morceaux dans la Nocturne, 100% rap français. Beaucoup de courage pour la suite. Ça va être quoi d'ailleurs dans les mois à venir pour vous Dans les mois à venir là, bon, déjà on va aller on va faire un petit voyage au Ghana là, notre pays d'origine. Mmh. On va faire aussi un peu de son là-bas, histoire de ramener une petite vibe. Mmh. Une petite vibe différente aussi. Et à notre retour, on enchaîne hein, on va enregistrer, on verra. Soit on se lance sur un album. Je pense que ça va plutôt être ça, puisque ça fait un moment que notre public il nous demande de sortir un album. Donc on va s'y mettre et on va faire les trucs bien quoi. Les jumeaux Los Grumos, c'était avec nous là. Mais toi-même, Fred, attends. T'as validé ou pas le morceau là? J'ai pas dit que si. Validé ou pas? Si c'était pas validé. Petite question, alors je te renverse la question. Si c'était pas validé, est-ce que vous seriez là dans la Nocturne? Non, je pense pas. Non, y a que du lourd ici, y a que du lourd. Voilà. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci à toutes les personnes qui nous donnent la force. Et voilà, big up à vous. Parce que franchement, sans vous, je sais pas si on aurait continué encore, même si c'est un vrai kiff le son. Et big up à toutes les personnes qui nous envoient des messages, etc. Ça fait plaisir. On va continuer, on va vous envoyer du lourd. La semaine pro, on va en Afrique. On vous envoie de l'image aussi. Instagram, Facebook, Twitter. Et suivez-nous. Bah, profitez bien en tout cas. Merci d'être passé, Los Grumos. Merci à vous. Merci. Et à très vite. Merci. Los Grumos. La Nocturne continue avec Juicy P, LMC Click maintenant. LMC Click DGC, la fameuse tête. On fait cette maille, on fait cette maille. Ma gosse, c'est pour ça qu'on bosse. Si tu penses pas pareil, dis-moi pourquoi toi tu bosses. Enfin bon sortir de gun, si tu sais que tu vas pas tirer. Pourquoi vendre de la drogue si c'est pas pour quitter le quartier? On fait cette maille, fais cette maille. Tous les jours, chaque euro gagné t'as pas vers la sortie du trou. What's up fool? De quoi tu me parles? J'ai 15 coups, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. C'est son du gunshot. J'ai 15 coups, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Qui qui parle? C'est son du gunshot. J'ai 15 coups, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Ces négros sont des shots, on se doit de les shooter. Gunshot, je les vois chuter. Je les vois décaler. Ton bad, exécuté par plusieurs soupçonnés d'être des trous de balle. Quand je barotte dans le ghetto, pas de mytho, mon gosse savent qui je suis négro. Je suis dans un délire de cowboy, j'aime les guns au champ. Montre les négros en l'air, on est descendants. Ouais, c'est trucidant. Comment je rappe? Transcendant, t'as toi toi la chatte. Fais pas Zermatt, t'es choqué. Écarte les cuisses, la bite dressée, je veux tout par choquer. On fait cette maille, tous les jours. Chaque euro gagné t'as pas vers la sortie du trou. What's up fool? De quoi tu me parles? J'ai 15 coups, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Qui qui parle? C'est son du gunshot. J'ai 15 coups, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Qui qui parle? C'est son du gunshot. Compare pas, je suis trop vrai dans le jeu. Émeraude dans les yeux de ces putains haineux. Fini l'époque, on se faisait hagan par les plus vieux. Terre la Corée du Nord, mon gars, on est belliqueux. Transformation, métamorphose, Naruto, 9 que. En mode Kubi, mon gars, viens pas test ma force de feu. Le homicide, Missa Wallace feu. Mon frère Bida et le G.I. veulent sur moi depuis les cieux. Et tu sais que je royalise chocolat et peu. Et tu sais que pour monter, on fait ce qu'on peut. A défaut de pouvoir vivre comme je le peux. Je suis sur le terrain dès le matin et je compte les E. On fait cette maille tous les jours. Chaque euro gagné t'as pas vers la sortie. sorti du trou. What's up fool, de quoi tu me parles? Je casse tout, et t'inquiète les gros, c'est lui qui parle. C'est son du gunshot. Je casse tout, et t'inquiète les gros, c'est lui qui parle. Qui qui parle, c'est son du gunshot. Je casse tout, et t'inquiète les gros, c'est lui qui parle. C'est pour ça qu'on bosse. Si tu penses pas pareil, dis-moi pourquoi toi tu bosses. À quoi bon sortir de gun si tu sais que tu vas pas tirer? Pourquoi vendre de la drogue si c'est pas pour quitter le quartier? MC, je suis la famille. Le juice 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nourriture. Monsieur Gradure dans la nocturne. Avec énervé boys. J'ai tellement squatté le bitume et Air Max sont en ciment. Face à mon assurance vie négro et vie tout balbutiement. Nos gars ont souhaité une vie meilleure en Occident. Manque de bif, les marmots sont tombés dans le subarnagua, gros bâtiment. Money, money, money, qu'est-ce que j'aime cette salope. Pourrais-je les charbonner, nique sa mère si ça loue, Bruno. Fais ce que t'as à faire, fais ce que t'as à faire. Même les petits peu font ce qu'ils ont à faire. Nos darons ont quitté la terre battue pour le ciment. Femme de ménage, tarons vigile malgré les diplômes hallucinants. Du terre-terre à l'armée terre, y'a quatre îles qui nous séparent. Mène ma guerre contre tes frères, ces bâtards ne savent même pas ce que je prépare. Je veux plus de mailles, je veux plus de fric, je veux plus de bisons. Et qui grandissent plus vite que la saison. Te braque Talia sans aucune raison. Je fais ce que j'ai à faire, je garde mes rêves en tête. Sortir l'argent du casino, cagoulé à l'arme des pays de l'Est. Big up aux hustlers qui lâchent pas la mosquée. Négro cagoulé calibré, on s'invite au bal masqué. Masqué, laisse-les lécher là où ils crachent, négro. Crache, négro. On baisse leur meuf là où ils crèchent, négro. J'ai tellement squatté le bitume et Air Max sont en ciment. Face à mon assurance vie, négro, et vie tout balbutiement. Nos gars ont souhaité une vie meilleure en Occident. Manque de bif, les marmots sont tombés dans le subarnagua, gros bâtiment. Money, money, money, qu'est-ce que j'aime cette salope. Pourrais-je les charbonner, nique sa mère si ça loue, Bruno. Fais ce que t'as à faire, fais ce que t'as à faire. Même les petits peu font ce qu'ils ont à faire. On fait ce qu'on a à faire dans cette vie de chasse. Prix de chasse trop efficace. Dans les embrouilles, les mains te mettent des coups de chlasse. Écoute, as, négro. Mon rap te fait l'effet d'un coup de hache. Dans les lyrics que du vécu, pas de mytho, c'est bitume avec un coup de hache. C'est trash, et tu peux mettre des frappes fly sous drogue douce. Fight pour une carotte, pousse. Détaille un peu de Maroc et de la bonne bouse. Ça vient tout droit de la zone, c'est la course à la recette. J'dégomme tout ça, la recherche des sommes. On va créer le désordre qu'il faut. On fait des morts, mauvais élèves pour la plupart. On s'en bat les couilles de plus tard. On veut tout et tout de suite, faut des housses plantées sous le plumard. Plus la peine, arrêtez de nous faire chier. Branle de vos peines et de vos succès à purger. Dieu seul peut juger. J'ai juré de faire crier les faux. Essaye de m'arrêter ou de me bouger. Le game est bouché, on vient pour toucher les gros lots cartouchés. C'est trop lourd et coucher les bords. Trouer le score, quitte à finir au bail. Les mecs assurer tous les bails et rouer son corps, ma gueule. On veut les millions, rester mignon si ça shoot. Y'a pas de piston, mais la prison ou la mort, gros, si ça chute. J'ai tellement squatté le bitume et Air Max sont en ciment. Face à mon assurance vie, négro, et vie tout balbutiement. Nos gars ont souhaité une vie meilleure en Occident. Manque de bif, les marmots sont tombés dans le subarnagua, gros bâtiment. Money, money, money, qu'est-ce que j'aime cette salope. Pourrais-je les charbonner, nique sa mère si ça loue, Bruno. Fais ce que t'as à faire, fais ce que t'as à faire. Même les petits peux font ce qu'ils ont à faire. Le paradis se trouve sous les yeux de nos darons. Investi dans des paires de Gucci. Staffiloula, nous on vient du hood. Comprends pourquoi y'a un air Gucci. Dalana est tombé sous deux lits. J'écoute que mon ange de gauche. Transat financière de n'importe quel débord. On va pas louper le coche. Qui légalise au cannabis. Que j'ouvre un coffee shop. Que tous mes négros rap zouzbi crave leur réel avant que les keufs te chopent. Cracker au 16 conk shit. Pesé, emballé sous cellophane. Ramène MC qui s'agite, zéro, y'en qui sont seuls. Où sont les fous? Rafale dans leur mère, ils casseront mieux la démarche. J'compte plus tous ceux qui ont une chaise roulante pour tes masses. Les types, on va les planter, les gars, ta recette. Dans le feu de l'action, porte tes couilles, y'a pas de bouton reset. Oui, c'est beau, mon aiguise. Depuis que c'est plus le schlass qu'on aiguise. T'as voulu calibrer derrière un peu pont pour l'escalade, je me déguise. Lâcher un plat ou déguise. Non, mon poteau, plutôt vécreux. Passe pas à table devant tous ces bois, même si t'as le ventre creux.

Little au placard, Dida au placard, 9-3, Yanis Leila posé dans une voiture garée. On raconte la journée, la routine. Et moi, tous les jours, je vais craper, ça me bousille. Des couples grattés dans ma chambre et des face B à l'usine. Pour percer, je suis tout prêt, je vis mes concerts, j'hallucine. Fini les tafs d'été, je suis sur scène et ça me délivre. Dites à mes parents qu'en ce moment, je suis heureux et ça c'est dit. Des couples grattés dans ma chambre et des face B à l'usine. Pour percer, je suis tout prêt, je vis mes concerts, j'hallucine. Fini les tafs d'été, je suis sur scène et ça me délivre. Dites à mes parents qu'en ce moment, je suis heureux et ça c'est dit. Le checks avec Vesti et Saya Scan, le petit fait ça, l'amour, les yeux revolvers. 5 ans après, j'esquive, c'est pas les trois femmes de ma vie, tu les connais. Ma mère, Salomé et Anissa, pardonnez-moi la trix, mal l'alcool comme solution hardcore. Encore un pote qui tombe, de la faute à pas de vol. J'ai oublié mes résolutions musclées grâce à mes 5 étages, à monter mes briques de lait. Oublie jamais son, si un jour je déprime de trop et qu'un asile me berce. Des grattés dans ma chambre et des face B à l'usine. Pour percer, je suis tout prêt, je vis mes concerts, j'hallucine. Fini les tafs d'été, je suis sur scène et ça me délivre. Dites à mes parents qu'en ce moment, je suis heureux et ça c'est dit. Des couplets grattés dans ma chambre et des face B à l'usine. Pour percer, je suis tout prêt, je vis mes concerts, j'hallucine. Fini les tafs d'été, je suis sur scène et ça me délivre. Dites à mes parents qu'en ce moment, je suis heureux et loin ça c'est dit. Loin des femmes, des soucis, loin d'être mal et tout petit. Ah ouais, c'est grave, j'étais en lait chez mes gars et je passe mon temps avec le rap, on se bousille. Ma grand-mère s'inquiète grave, appelle sur mes deux portables, mais je ne réponds qu'à mon statut d'irresponsable. Je m'endors dans des trains en huile de frange, j'ai tissé ma toile. Et pour éviter la bague, on rentrait dans des ciné par derrière. La vie comme seul adversaire, avec mes amis, mes frères, que j'ai perdu pour la plupart au fil des anniversaires. Personne me dira la tabu, j'étais un petit démon, assez bon pour retarder ma première garde à vue. On l'a pas dit au reste de la famille, je leur ai fait la guerre et je m'en veux. Aujourd'hui je fais des envieux, mais je l'aimais à la vie. Des couplets grattés dans ma chambre et des face B à l'usine. Pour percer, je suis tout prêt, je vis mes concerts, j'hallucine. Fini les tafs d'été, je suis sur scène et ça me délivre. Dites à mes parents qu'en ce moment, je suis heureux et ça c'est dit. Des couplets grattés dans ma chambre et des face B à l'usine. Pour percer, je suis tout prêt, je vis mes concerts, j'hallucine. Fini les tafs d'été, je suis sur scène et ça me délivre. Dites à mes parents qu'en ce moment, je suis heureux et ça c'est dit. Black Brut à découvrir dans la nocturne. D'un projet qui est dans les bacs. Non, fallait pas, non, fallait pas, non, fallait pas, l'invité salopard. Non, fallait pas, non, fallait pas, non, fallait pas, l'invité salopard. Non, fallait pas, non, fallait pas, non, fallait pas, l'invité salopard. Non, fallait pas, non, fallait pas, non, fallait pas, l'invité salopard. Mais qui ça, Brut, fallait pas l'inviter, il est chaud, il nous fait de l'ombre. Non, fallait pas l'inviter, il rappe trop bien quand on pose avec lui, on ne parle que de lui, donc non, fallait pas hésiter. Rap, flow, technique, on les veut, c'est encore pire quand ils se mettent à débiter. Cash, flow, c'est ce que mes négros veulent, c'est encore pire quand ils se mettent à délirer. Fallait pas l'inviter, one life, Brut. Il baisse toutes les prods, journal des X. Pareil qu'il a signé chez Canal Plus. Tous les moyens sont bons pour faire du bif. Fallait pas l'inviter, je n'ai plus de rime en stock, c'est la merde. Rapper mieux que lui, c'est le nerf de la guerre. Fallait pas l'inviter, je suis pas d'accord, je veux la tête. Trop de flow, oui c'est vrai, mais il se la pète. Fallait pas l'inviter, se fiche de l'insulter, ça me démange. Qu'il soit plus fort que nous tous, se fiche de. Je te jure que ça me dérange. Fallait pas l'inviter, la prochaine fois qu'il se pointe, je le plante. Ou je lui mets une balle. Fallait pas l'inviter, rien ne sert de clasher, se fiche de. Jamais je ne gagne. Non, fallait pas, non, fallait pas, non, fallait pas l'inviter, salopard. Non, fallait pas, non, fallait pas, non, fallait pas l'inviter, salopard. Non, fallait pas, non, fallait pas, non, fallait pas l'inviter, salopard. Non, fallait pas, non, fallait pas, non, fallait pas l'inviter, salopard. Ce fils de 1, fallait pas l'inviter sur ma vie. Je te jure qu'il est trop fort, ce fils de 1. Fallait pas l'inviter, je poserai pas seul, il faut du renvoi, ce fils de 1. Fallait pas l'inviter sur ma vie. Je te jure qu'il est trop fort, ce fils de 1. Fallait pas l'inviter, je poserai pas seul, il faut du renvoi. Fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter. Non, non, non, non, mauvaise idée. Fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter. Non, non, non, non, mauvaise idée. Fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter. Non, non, non, non, mauvaise idée. Fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter. Fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter. Ils sont fans, mais ils font signe de ne pas me voir. Ne fais pas le timide, mon sperme, tu ne veux pas le boire. Ils sont fans, mais ils font signe de ne pas me voir. Ne fais pas le timide, on se perd, tu ne veux pas le boire. Ne veux pas le boire. Je suis d'une autre planète, je suis dans ma bulle. Je suis dans les toilettes, je suis sur la lune. Je suis d'une autre planète, je suis dans ma bulle. Je suis dans les toilettes, je suis sur la lune. Rap sans calcul, ni dans match, j'ai plutôt du genre à foutre le feu. Moi je suis pyromane. Rap sans calcul, ni dans match, j'ai plutôt du genre à foutre le feu. Moi je suis pyromane. Non fallait pas, non fallait pas, non fallait pas la vitesse à l'obar. Non fallait pas, non fallait pas, non fallait pas la vitesse à l'obar. Non fallait pas, non fallait pas, non fallait pas la vitesse à l'obar. Non fallait pas, non fallait pas, non fallait pas la vitesse à l'obar. J'encule vos formats. Y'aura pas de doublet classique, je suis trop fort moi, j'encule vos formats. Y'aura pas de refrain classique, je suis trop fort moi, j'encule vos formats. Y'aura pas de couplet classique, je suis trop fort moi, j'encule vos formats. Y'aura pas de refrain classique, je suis trop fort moi. Fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter, fallait pas l'inviter. On ne parle que de moi, mon talent est inné, je fonce dans le tas quand il faut que piler. On ne parle que de moi, mon talent est inné, je fonce dans le tas quand il faut que piler. Mais non, je suis pas arrogant, je réaliste, tu ne seras jamais plus fort, mais allez, je suis pas arrogant, je réaliste, tu ne seras jamais plus fort, mais allez. Non fallait pas, non fallait pas, non fallait pas la vitesse à l'obar. Non fallait pas, non fallait pas, non fallait pas la vitesse à l'obar. Non fallait pas, non fallait pas, non fallait pas la vitesse à l'obar. Non fallait pas, non fallait pas, non fallait pas la vitesse à l'obar. Planète Rap, 100% rap français. Pléiades, ça vient de Marseille dans la nocturne. 100% rap français. On les laisse pour mort, on va sortir le muguet. On les laisse pour mort, on va sortir le muguet. On les laisse pour mort, on va sortir le muguet. On les laisse pour mort, on va sortir le muguet. On passe ta mère, tu fêteras pas ton prochain bidé. On passe ta mère, tu fêteras pas ton prochain bidé. On les laisse pour mort, on va sortir le muguet. On les laisse pour mort, on va sortir le muguet. Ok, play out, c'est le bingo. J'm'engraisse, pas de lipo. Vieux soir que ça retique, le pull écho. Bang, bang, bang, de Dan Ochocinco. À moi, je suis plus vert que le U-Ting. Mon flow, un beat, c'est les gangbangs. Métissage normal que mon couplet. Assis et mes jeans sont mon couplet. Trop d'air, tu comprends pas, on s'envole. Frollo, demain à Dubaï. 2004, c'est la plaie à tout pas. Un prix des coups, frollo, même des coups bas. Tout ça couvert, on en voit que des mines. Tu veux du purple, ok, même du green. Où sont les kings, putain, où sont les queens? Le game est muet, j'lui fais des signes. Sans pas de kawala, moi, je n'ai qu'un. Ton flow était tu que tout ça l'appelle. Ta sœur ou ta meuf me kiffe, dis-moi laquelle. Escape de ma musique, les sons sortent à la chaîne. Faut que les rageux, les haineux et les bitches. J'réalise mes rêves encore, mais j'ai les fumes. J'ai bossé, j'ai trop faim, j'me cacher, j'me cacher. Sous soir, j'y vais, j'y Versace, Versace. Si t'as le cul plat, ne mets pas de leggings. Je tape sans repos, boy, comme si j'étais de Chine. Biggie, Pac, on l'a zombie. Sois loin de moi, j'suis près des ennemis. Kim, Pléade, follow me. On va tout prendre, Sky Energy. Ça pique les yeux, réactions allergiques. Sans le Qatar, Paris n'est pas magique. On les laisse pour mort, on va sortir le muguet. On les laisse pour mort, on va sortir le muguet. On les laisse pour mort, on va sortir le muguet. On les laisse pour mort, on va sortir le muguet. On passe ta mère, tu fêteras pas ton prochain bidé. On passe ta mère, tu fêteras pas ton prochain bidé. On les laisse pour mort, on va sortir le muguet. Je représente de l'Est à l'Ouest, mais rebeu du Nord au SUD. On va pas battre fils de pute, je ne vais même pas t'insulter. Je laisse pour mort, sous mes 18 pouces de mon Chevy SUV. Trace de sang, appel BA et Daniel pour tout essuyer. J'irai nouveau 10 piges de rap, personne viendra me bisuter. Tu m'as craché dessus dans le passé, aujourd'hui tu veux discuter. Je suis ok pour le feat si c'est le prix de ta dignité. FM, PC, LCD, condamné à pas m'éviter. On va tout prendre sans être invité. J'perds, rassasié, couilles vidées. Brr, tu repars amputé. J'terre sur ma voix enculée. Sur Twitter, tu me follow. Et t'arrêtes pas de nous critiquer. Mais t'as cliqué, cliqué, cliqué. J't'ai fait pépon, prends ton ticket. Tout le monde est bon, tout le monde s'aime poteau. C'est la bande à Mickey. J'ai confiance qu'on mes idées. Pour un gros cul, ils peuvent me niquer. Ils ont beau nier, j'les ai grillés. Cassette, prépare la cour de Valélie. Ils ont beau crier, ils ont beau prier. J'arrête la faucheuse, vas-y. Oh. On les laisse pour mort, on va sortir le muguet. On les laisse pour mort, on va sortir.

tes potos, tu reconnais. Pour la daronne, pour la monnaie, je te fourraille. Ratatata, tu deviens pan comme un polonais. Rien ne sert de faire la sainte, t'es troué comme mes basses. T'es pour les rappeurs, je suis casse. T'es vu que j'enchaîne flow face. T'es comme la mort de tes parents, t'arriveras pas à me zapper. C'est pas avec le SMIC que t'arriveras à me zapper. Les sentiments, ça se contrôle pas, c'est comme quand tu vas cracher. Mais comment tu peux poser si t'as mon scoop dans la trachée? Tu veux percer sans piston, t'iras pas loin fiston. Ta vie elle coûte pas cher si tu la perds pour du bifton. Mon écriture est trop dure, disons que ma plume bande. T'auras pas les mots si mes disques se vendent. Chéri coca dans la main, pas de jack D. Si tu veux tirer, tire, pas la peine de jacter. Chéri coca dans la main, pas de jack D. Si tu veux tirer, tire, pas la peine de jacter. R.A.M. apostrophe S, est-ce que tu reconnais? On va tout niquer dans le rap, hey. Sois pas étonné, hey. C'est 9-4-800, hey. C'est 9-4-800, hey. C'est 9-4-800, hey. C'est 9-4-800, hey. C'est mes défauts qui font mon charme. Oui, le savoir est une arme. Mais à chaque fois qu'il pleut des bols, ça donne des flaques de larmes. Dis-moi t'es inexistant comme la fin du monde des Mayas, hey. Si ton buzz d'or, c'est que ton rap est faya. Mentalité rebeu, beat de Soninke. Cousin c'est tellement la guerre que je rappe au studio broliqué. Si la vérité tue dans ma bouche, une Kalashnikov, demande à W, Raligno, Kayasnikov. Ça lève en bécane quand y'a les stupes on décale. Nique la départementale, c'est pas eux qui me ramènent des tales. J'serais l'as des as si les rappeurs étaient des cartes. Si Villefeuille 9-4-800, on nique ta mère et tu t'écartes. Chéri coca dans la main, pas de jack D. Si tu veux tirer, tire, pas la peine de jacter. Chéri coca dans la main, pas de jack D. Si tu veux tirer, tire, pas la peine de jacter. R.A.M. apostrophe S, est-ce que tu reconnais? On va tout niquer dans le rap, hey. Sois pas étonné, hey. C'est 9-4-800, hey. C'est 9-4-800, hey. C'est 9-4-800, hey. C'est 9-4-800, hey. Si la hagra ça payait, certains seraient milliardaires. Quand je vais percer ceux qui me détestent, se couperont les artères. Je fais mon trou petit à petit, t'es pas content, 4.1 watt. Je trouve l'inspi au coup de taser, 94-800 watts. Sur le rinté c'est les J.O. Harbat c'est les camps de Katis. Rien ne sert de faire voyou, je te dis si t'as rien dans le calcif. Retournement d'instru en dos, je te soulève même si je suis queuse. Je débite trop vite des punchs comme un crasher précoce sur ta tête. Je suis plus trop dans la disquette, je suis plutôt dans le somnifère. J'adore ta meuf, je la fais rêver, oui t'inquiète pas chez Ifer. La vie tient un bout de pain, demande à ceux qui tirent pour une baguette. C'est pour ceux qui détaillent 1200 E sur une plaquette. Chéri coca dans la main, pas de jack D. Si tu veux tirer, tire, pas la peine de jacter. Chéri coca dans la main, pas de jack D. Si tu veux tirer, tire, pas la peine de jacter. R.A.M. apostrophe S, est-ce que tu reconnais? On va tout niquer dans le rap, hey. Sois pas étonné, hey. C'est 9-4-800, hey. C'est 9-4-800, hey. C'est 9-4-800, hey. C'est 9-4-800, hey. R.A.M. R.A.M. apostrophe S, R.A.M. R.A.M. apostrophe S, R.A.M. R.A.M. apostrophe S, apostrophe S, apostrophe S, R.A.M. R.A.M. apostrophe S, R.A.M. R.A.M. apostrophe S, R.A.M. R.A.M. apostrophe S, apostrophe S, apostrophe S. R.A.M. apostrophe S. Il vient de Villejuif, on l'écoute à l'instant dans la nocturne 100% rap français. Le morceau c'est Tu reconnais. On va faire un tour du côté de Toulouse maintenant. Big Flo et Oli pour le morceau Gangsta dans la nocturne. 100% rap français. Planète rap. La nocturne. J'ai rien d'un gangsta, j'ai pas de shit, j'ai pas de coke ni d'héro. J'ai pas de crew, j'traîne pas, faut que j'bosse mon interro. En soirée, mes potes se la jouent bière et vodka. Et Big Flo, c'est moi un grand verre de coca. Et tu me files un flingue, j'sais même pas m'en servir. J'fais quoi d'une Ferrari, j'ai toujours pas mon permis. J'ai déjà pleuré de 20 films, holy mélancolie. Moi j'suis allé en prison, mais qu'au Monopoly. J'avoue, je marre devant leurs clips, leur bling bling et leurs photos. Tout est vrai chez moi, sauf ma montre et mon polo. Pas le temps pour le sport, moi c'est le rap d'abord. Et dans mon clip, tu verras qu'un labrador. Et je grade dans le métro, pas la taille d'un héros. Couché tard, le veto en freestyle sous le préau. Si je fais 10 pompes, je frôle le malaise. Mais le sourire aux lèvres, je vais terminer mon 16. Et j'suis pas, et j'suis pas, et j'suis pas, j'suis pas, j'suis pas. J'suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme toi. J'suis pas un gangsta, j'ai pas le fric, j'ai pas le style, j'ai pas les bras. Mais les gangsta kick ça, j'suis réveille tranquille, normal, c'est samedi. Le soleil déjà levé, normal, c'est midi. Je me pose devant la télé avec un bol de miel. Pops, à peine fini de boire le lait que j'allume la Xbox. Désert avec les amis, s'il vous plaît, aidez-moi. Ouais, je suis un geek, je crois que j'ai raté ma vie à cause de GTA. Moi, je connais par cœur les casses de Bryce de Nice. Voici le premier rappeur sponsorisé par Leader Price. C'est pas marrant, j'ai souvent du mal à m'y faire. C'est moi le grand, mais on prend pour le petit frère. Je suis pas un gangsta, pas de flingue de Genja. Lève ta main si t'aimes ça. Toi, tu veux que je boive, que je baisse, que je fume. Mais ferme ta gueule et passe le chouette, ça grume. J'ai pas la vie de rêve, je suis pas un type balèze. Mais le sourire aux lèvres, je viens terminer mon 16. Et j'suis pas, et j'suis pas, et j'suis pas, j'suis pas, j'suis pas, j'suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, j'suis comme toi. J'suis pas un gangsta. J'ai pas le fric, j'ai pas le style, j'ai pas les bras, mais les gangsta kiffent ça. J'suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, j'suis comme toi. J'suis pas un gangsta. Les classiques, je les connais. Dis-moi pourquoi t'es étonné. Bienvenue dans mon quartier, attention les yeux. Y'a beaucoup de morts parce qu'y'a beaucoup de vieux. J'suis pas un gangsta, ouais j'suis fou d'admettre. Ils parlent tous de flingue mais ne tire jamais. Pourtant j'fais bouger les têtes, tu connais mes textes. Connais pas ma technique, mec mes dégues. J'étais le bingo, connais vos lingues, ouais j'étais le bingo. Mac mon équipe, ça fout les boulots, ouais ça les dégoûte. Tout calmement des boules comme des boules dans la femme. Mais mon pote c'est quand tu restes avec quand on se sert. Un des fous, mon vrai prenez fou. La nocturne. Avant de faire le show, vérifie à qui tu causes. Mets du nouveau dans mon verre, là je vais voir la vie en rose. Je te chevauche, je me mets en scène. Viens jouer de ma trompette. Moi à rapper, je t'enseigne. Bienvenue dans la tempête. Si je glisse, la poêle clitoris sur toi, oui je pisse, trois fois, chiffre 6, tempête, tempête, tout est fini, je tire dessus, tu me fais des guilis, je prends le micro pour faire des mini, mais là en I comme mic, mini. Demande pas si je glisse, la poêle clitoris sur toi, oui je pisse, trois fois, chiffre 6, tempête, tempête, tout est fini, je tire dessus, tu me fais des guilis, je prends le micro pour faire des mini, mais là en I comme mic, je vais la tuer avant qu'elle t'accouche. Je laisse les MC sur la touche, j'appelle ta meuf, elle peut pas répondre. Elle a mon bail dans la bouche, je suis le baisse d'après les sondages. On baise, on ken, y'a pas d'on s'engage. Je pète le score, je pète le champagne, je pète une tâche, je pète un 10 ans d'âge. Tout le monde est prêt, tout le monde est réglé. À peu près trois garçons dans le revêt. Je suis accusé, j'ai devoir me lever. Je m'envente, je me torche avec mon brevet. Arrivé, je te jette dans le ravin. Calibré, je me prends pour le parrain. Je viens dans ta ville, je vais faire le malin. T'as l'air fragile, viens faire un câlin. Jusqu'à ce qu'on lave le sang de mes mains, je te fais des fleurs. Je fais ce que je peux, je baisse ta tante, je te fais un cousin. Je baisse ta soeur, je te fais un neveu. J'apporte la fraîcheur, j'apporte le feu. T'as autant de flow que briseur de feu. Le rap français, il m'importe peu. Je m'en sers comme un porte-queue. Avant de faire le show, vérifie à qui tu causes. Mets du nouveau dans mon verre, là je vais voir la vie en rose. Je te chevauche, je me mets en scène. Viens jouer de ma trompette. Moi à rapper, je t'enseigne. Bienvenue dans la tempête. Demande pas si je glisse la poêle clitoris sur toi, oui je pisse, trois fois, chiffre 6, tempête, tempête, tout est fini, je tire dessus, tu me fais des guilis, je prends le micro pour faire des mini, mais là en I comme mic, mini. Demande pas si je glisse la poêle clitoris sur toi, oui je pisse, trois fois, chiffre 6, tempête, tempête, tout est fini, je tire dessus, tu me fais des guilis, je prends le micro pour faire des mini, mais là en I comme mic, mini. J'suis le best, le meilleur, ferme la parenthèse. L'industrie m'a guiche un peu normal, ça part en baisse. Le 7-8 t'as zappé depuis que j'suis sur le plan. Fais un bisou à ta femme, j'ai son gloss sur le gland. Appelle les keufs, menu poulet, barbin. C'est Noël, fils,

ligne. Je vis élevé, je viens mettre le haut là. L'hymne passant la texte comme Willy la lampe. Je lance l'hymne de la caisse et l'étale comme une diablesse féline. C'est luxe, c'est salope à l'écran. Des grosses liasses, des lignes blanches, leur fer c'est délicé. Je lance l'alerte avant que mes négros se lancent. La playlist, je lui fais un lifting. C'est lisse et trop classe comme du Céline. L'industrie et moi, c'est Lefty et Donny sans lala. L'arche de l'aigle, ma sale littérature dure. Loin d'être light et légère, le level monte, c'est pas du lalan. Papalage légal pour like mes lyriques à low kick. T'es un lac et je suis en ligue 1 depuis L en nerf ou LL. Juste avant Mickey, M-I-L-L. Après Big L et ILL, Matic, Capit Rock et CL, Smooth, époque lunatique et L. 430 de look, Lacoste avant LV Live des ruelles de VLBL. INO sur LP, Jean-Luc IL, Luciano dans l'aile. J'ai pas de plomb, moi je la serre l'agneau. J'écris au laser pour les malheurs sans lèvres. À la nôtre l'heure, je la donne de l'ombre à la lueur, je me lève. J'entends fait entrer l'accusé, je rentre sur 75 BPM. Je viens abuser du son, nourrir l'incendie. C'est dans mon ADN, cliquez, je brandis le micro, vous cliquez, cliquez, stéréo bandit. Toujours pas domestiqué, ma dalle a grandi. J'allume la foule sans briquet. J'suis dans le deal de punch, rap la foutre, le crime est revendiqué. Depuis mes premiers cris, la méthode, j'ai jamais choisi la douce. J'ai tout l'alphabet dans le chargeur, mon flingue c'est compté jusqu'à 12. % rap français. Je boxe avec les monstres, je boxe avec les monstres. Évite mes vers sur le beat, ouais, le poison pour la flow. Il roule à flow. Mon flow fait swinguer la foule. Dans sous l'air de la lame, le chant des fusils, l'air est malsain. C'est une époque à damner à ça. Comme un usine crache, la mort j'accuse. Arrache la muselière cache. Je mâche plus mes mots, je lâche des bombes à chaque fois. Sache que l'heure est proche. D'affaires, tire tes proches avant le clash. Meurs un sanglant, rime taille dans la roche, attache. De l'importance au sens dans mes textes. Pose, poser, misère en pause, puis poser pour la bonne cause. La PJ sous une bâche, à qui profite la guerre. La PJ censure un rap moins violent. Schwarzenegger, entache mon business. Tu caches la vérité, les coups sont mérités. C'est l'hôpital qui se fout la charité. Hey, j'ai hérité de la violence, ça afflue sur mes compositions. Qui pourrait en faire du rap sans prendre position? Faire opposition, ça me connaît, moi je me connais en faisant de la monnaie. Donner plus recevoir au bonheur abonné. Je boxe avec les mots, je vis aussi chaud. J'ai sur le dos à moi mes barreaux. Les formules et autres pour les tests, nous on s'en fout. Je kiffe pas au noir, t'écoute pas, je sais. J'évite le non-sens comme un virus. Superstar dans le ghetto, comme à la roulette russe. Les taux se resserrent, les graves et le veto. Les jeunes se mettent au rap très tôt. Ils frappent la résistance et très tôt. Ils trouvent le DMC à Médo. Les barreaux de prison, s'ils enferment l'expression orale. Éclat moral, le rap est sous pression, grand inoral. De pression de la gâchette, Titi ou le viscère. Mon album s'achète comme un 12 bien viscère. Serre-moi la poigne, les mots des frères, je soigne. Mes mots en témoignent, si l'enfer est pavé de bonnes intentions, je le porte et le soigne encore. Un autre prétexte, un texte violent, mais voilà. J'ai pas de but du violon, faire des rimes à la mort, moi insolent. Mon solo rap shoot, crée le doute, lègue moi le micro. Déjà les accros veulent des bootlegs. Écoute, arsenic c'est pas une black wingle. Kiffe le single, laisse la tête sur le track. Je boxe avec les mots. Les beats mes vers sur le beat, le poison pour la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Si le rap part en couille, je vivrai du même avec les mots. Je boxe avec les mots. Je boxe avec les mots. Les beats mes vers sur le beat, le poison pour la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Si le rap part en couille, je vivrai du même. Un beat, une grosse basse, faut que je me place hausse. La voix pour mes sauts, passe-moi les bastos. Faut qu'on les blesse tous, les pousses dans la fosse. Fesse les fausses faces, laisse une trace sans se mettre. Puis en caisse, en face mes gants max, meurtre avec le meurtre. Ta sensibilité heurtée, c'est ton sang qui tache mon t-shirt. Elle, et nos style, boum boum, finance tes obsèques. Zoom sur ma clique, mes cartos, mon sec. XXX large, me fixe et charge. Je me garde mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Une charge explosive, vache, rime, pousse au crime, au carnage. Car c'est dans la merde que mes lascar au carnage. Tueur de clowns, cyclone, rap, chasseur de clones et parano. Tout ça décalpo et Tony Serrano, le tap au tap. Frappe au micro, brûle pas les états posters comme l'engin dans mon holster. Tu peux y laisser ta peau. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats, mes vers sur le beat, le poison, la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Si le rap part en couille, je vivrai de mettre avec les mots. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats, mes vers sur le beat, le poison, la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Si le rap part en couille, je vivrai de mettre avec les mots. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats, mes vers sur le beat, le poison, la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Si le rap part en couille, je vivrai de mettre avec les mots. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats, mes vers sur le beat, le poison, la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Si le rap part en couille, je vivrai de mettre avec les mots. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Et c'est fini pour la nocturne 100% rap français avec un classique d'Arsonic, Box avec l'Elmo. L'album arrivera en septembre pour Lino d'Arsonic. Album en septembre à pas louper, passez une bonne nuit. Rap R&B en non-stop avec Fabulo au contrôle, c'est reparti maintenant. Et moi je vous retrouve lundi aussi, 20-21 dans Planète Rap avec les Magic System, où une prochaine nocturne, ce sera dans une semaine. Ciao. Skyrock, Rap R&B, non-stop.